FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On passe tout l'été dans le bois et dans nos bagages, nos chroniques maison, comme c'est un fait, Kick Sexy Time, Sex Mais Ça Devrait Pas, là et bien d'autres. Et des visites surprises comme dans les meilleurs épisodes de la croisière s'amuse. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Requis pour la semaine du 5 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Salut, j'ai presque laissé la fenêtre de la tente ouverte parce qu'on dirait que les oiseaux sont beaucoup trop présents. Moi, c'est les moustiques. Les moustiques. Tu sais, ceux qui apprennent à nager, là. Que les moustiques. C'est pas un niveau, là. C'est peut-être plus dans les scouts. C'est les moustiques. Bref, salut Jean-Philippe Charbon. Salut Mathieu Plante. Yeah. Cet été, en fait, on va passer du temps ensemble, du temps pas ensemble. Ça dépend un petit peu pas mal. C'est comme moi, le chef des scouts. In et out, c'est ça. Ça, c'est pour moi. Est-ce qu'il y a un badge pour le sexe chez jeunes scouts? Je sais pas, mais in et out. Sex appeal. C'est ça. Donc, Jean-Philippe va être là une fois de temps en temps. Stéphanie Paradis va venir nous rendre visite une fois de temps en temps aussi, mais comme chroniqueuse, pas nécessairement à la co-animation. Donc, ça va être très estival. Et les gens qui sont dans le coin, on reste tout le temps sur le... pas sur le campus là, comme à l'université comme on fait d'habitude, mais plus sur le terrain de camping d'assemblage requis qui nous est désigné pour lequel on a payé bien sûr avec le budget énorme de C'est fou. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on va passer 3 heures ensemble, contrairement aux autres étés où on était ensemble pendant 4 heures. Cette année, ça va être 1 heure de palmarès et 1 heure d'assemblage requis pour ne pas avoir d'obstacles dans notre processus musical et de chronique, etc. On n'aura pas à s'en faire avec le palmarès dans notre mission assemblage requis. Bon, C'est clair ça. Aujourd'hui, l'émission, bien sûr, on a des chroniques, nos chroniques maison. Nos chroniqueurs arriveront plus tard cet été. Je pense qu'ils sont partis se baigner dans Pataugeuse, sûrement. Donc, on va les retrouver plus tard. Ils sont forts parce que c'est pas chaud encore. Ah, ça dépend des régions, j'imagine. Hein? Oui. Sûrement. Et peut-être même des cases horaires où les gens nous écoutent. Ou peut-être même s'ils s'en vont dans un spa Pataugeuse. Une spatogeuse. La spatogeuse. Ah, j'aime ça. C'est comme dans les zigotos. Au lieu de la catastrophe, c'est la spatogeuse. Exactement. Donc, on va faire nos chroniques maison, toi et moi. C'est un fait. King Sexy Time, Sex Mais Ça Devrait Pas, là. Les instructions d'assemblage. Et on va même avoir une petite section qu'on va faire quand ça donnera le courrier de nos requins. Ah, OK. Le courrier qu'on a reçu de nos nombreux requins. C'est cool, ça. Ça va être très, très le fun. Donc, pendant 3 heures, les oiseaux vont continuer de chanter tout le long. J'en suis certain. Ils sont là pour nous accompagner à côté de notre tente. Oui. On a amené notre tente. Ce que Mathieu dit pas, c'est que c'est lui qui a hissé le mât. Le mât. Oui, oui. Mathieu. Oui, oui. Mât. Ça va? Kinky. C'est cool. Et bon. Épuisé. 3 heures de ça va être difficile à supporter. On va commencer avec C'est un fait dans cette demi-heure qu'on est dans laquelle nous sommes situés présentement. Tu sais, par contre, étant donné qu'on n'a pas d'obstacle avec le palmarès, on n'a quand même pas joué le palmarès au complet dans notre... Rien ne nous empêche de continuer un petit peu. Et voilà, et j'ai barré celle qu'on n'a pas fait jouer dans les palmarès tantôt. Donc, on va commencer avec Sleeper Agent qu'on a sauté dans la portion palmarès. Be Brave est le nom de la pièce. On écoute ça, puis après ça, c'est un fait. D'accord. Mathieu, sois brave, OK? Okay. Attends, c'est un fait, ça s'en vient. OK. Be brave. Mais c'est là que je veux la faire. Ah, mais tantôt. Les oiseaux sont impatients. Tu que t'as assemblé à ce recul. Sleeper Agent et la pièce Be Brave, 7e position anglophone à assemblage requis. Voilà. Maintenant, tu sais, on va aller quasiment dans l'ordre d'une semaine typique matinale à assemblage requis. Wow, comme ça, je serais pas trop déstabilisé. C'est ça. D'habitude, le lundi, on ferait C'est un fait, mardi, King Sexy Time, mercredi, Sex Wow. Ce là. Toi, tu vis jamais les mercredis. Okay. On va y aller plus lentement que ça. Okay? S'il te plaît, Mathieu. On va y aller plus lentement. Je suis pas prêt à ça, c'est l'été. Laisse-moi relaxer. Les oiseaux l'ont dit, c'est l'été. Donc, commençons comme si on était lundi. OK. Voici C'est un fait. Et on chante avec les oiseaux par-dessus. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Wow! C'est un fait! C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, JP! Comme un vrai lundi! Oh, comme le lundi! Mais à la place, on n'est pas lundi, sauf si vous êtes lundi. Parce qu'il y a une reprise le lundi. Donc, on commence en parlant d'autotune. Oui. Si on mettait de l'autotune dans la chanson de C'est un fait, on aurait l'air de vrai chanteur. Oui. Tu sais? Hey, chose que tu sais pas. Cette chose que tu ne sais pas. C'est fait. Donc, l'autotune qui est devenu un must, vous savez, dans la musique contemporaine depuis les dernières années. Tout le monde, de Justin Bieber à Lil Wayne, utilise pour réparer leurs notes vocales de chant, bien sûr. L'idée derrière tout ça vient d'un ingénieur de chez Exxon. Exxon, ça c'est l'huile, le pétrole, tu connais. Lui, on l'a exonéré de toutes ses affaires. Là. Voilà. Donc c'est Andy Hildebrand qui utilisait des ondes sonores pour trouver l'endroit où étaient situées les réserves d'huile en dessous de l'eau. Il a réalisé que la même technique d'autocorrélation utilisée pour trouver de l'huile pouvait aussi être utilisée pour changer les notes d'un chanteur. En 1977, il a sorti Autotune au public. C'était un plugin pour les logiciels d'édition audio. Et c'est passé d'être occasionnellement utilisé pour adoucir certaines notes à complètement envelopper les voix des chanteurs, comme celle de T-Pain, entre autres, qui est une application pour faire de l'autotune sur iTunes Store. Malade. T-Pain! Voilà. Il y a un désordre, une maladie, si on veut, qui va faire que les gens vont se souvenir de chaque détail de leur vie. OK. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. C'est étrange quand même. Donc, un cerveau qui se rappelle de chaque petit détail, ça s'appelle l'hyperatimésie. Ça vient du mot grec timésis, qui veut dire se souvenir, et hyper, qui veut dire excessif. Donc, se souvenir excessivement. Les gens qui ont ce type de mémoire-là peuvent se souvenir des détails de presque chaque journée de leur vie. Leur cerveau emmagasine toutes les petites informations qui ont une importance personnelle pour eux. Ceux qui sont affectés par cet état-là d'esprit décrivent faire des associations sans vraiment avoir à faire d'efforts. Donc, dans leur tête, tout s'associe ensemble sans qu'ils aient vraiment à y penser. Lorsqu'ils pensent à des dates, des endroits, peu importe, des heures, ils vont associer ça avec des images très, très claires dans leur cerveau. L'hyperthymésie amène des comparaisons à d'autres conditions comme l'autisme ou le syndrome des personnes savantes. Par rapport ou contrairement à d'autres bizarreries comme ça du cerveau, les gens qui ont une mémoire autobiographique supérieure, comme on l'appelle souvent, n'ont pas consciemment à calculer le nombre de jours. Tu sais, comme ceux, mettons, à qui tu peux dire une date qui se rappelle que c'était un mardi. Ou peu importe. Oui. Ça, c'est plus mathématique que vraiment des souvenirs. C'est pas dans la même place dans le cerveau. Le 7e but de... Ah oui, le fou raide, là, super sympathique, là, mais le gars qui travaille à l'imprimerie en bas, là. Qui se rappelle de chaque pointage de toutes les parties de tous les... Pour de vrai? Ah, c'est fou, là! C'est celui qui a une pancarte des Bruins là, à l'imprimerie en bas. Là. Oui, oui, oui. Ici, à l'UQTR. Ouais. Eh bien, je vais le saluer. On salue, je me rappelle aucunement de son nom, mais je le salue quand même. J'allais dire, 23 décembre 87. Il n'y avait pas de game. Mais je mangeais du poulet. Les scientifiques de cerveau donc ne comprennent toujours pas pourquoi ça a lieu, tout ça. Eh bien... Est-ce que tu as déjà eu de la difficulté à sortir du ketchup de ta bouteille? Ça dépend quelle bouteille, Mathieu. Les bouteilles de vide, probablement. Oui, sûrement. C'est ben sûr. Oui. Scientifiquement parlant, le ketchup est un liquide qu'on appelle non-newtonien. Ce genre de liquide-là va être plus épais ou plus liquide dépendant du stress qu'on lui apporte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? C'est que le ketchup est dans un état presque solidifié lorsqu'il est dans la bouteille en état normal. Et tout ça change lorsqu'on met de la pression, qu'on applique de la pression. Et là, ça va sortir, comme la bouteille de ketchup, en vitre. Croyez-le ou non, même avec la technologie moderne, il y a des choses qu'on ne sait toujours pas du ketchup, comme pour que c'est, est-ce que ça fait ça? Ah ben. Les chercheurs chez Cornell University ne sont pas satisfaits par l'explication. Là, on parle de strates et de couches de liquide dans la bouteille, c'est super compliqué, je ne sais même pas vous l'expliquer, mais ils ne sont pas satisfaits de cette explication-là. Leurs expériences les ont fait venir à une conclusion que le nombre de calques, de couches, ne changera pas assez pour expliquer le comportement des liquides non-newtoniens. Donc, apparemment, ce ne serait pas une cause de strates de ketchup. Okay. Bon. bref, c'est plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça. Parlant de ketchup, des chips, des croustilles. Hein? Mm. Savais-tu que les croustilles ont été inventées par un homme qui essaie de prendre sa revanche sur quelqu'un d'autre? OK. Et ça lui est retombé dessus parce que c'est devenu un succès. Ben oui. Mm-hmm. en 1853, à Saratoga Springs, à New York, un chef nommé George Crumb, comme des miettes, là, mais sans le B, en avait assez. OK. Donc, il faisait la cuisine au Moon's Lake House, un restaurant, et il y avait un client qui n'arrêtait pas de renvoyer ses patates frites, disant qu'elles étaient trop molles, pas assez croustillantes. Donc, frustré par la critique, Crumb a décidé que, bon, l'homme disait que c'était pas assez croustillant, mais étant donné du croustillant, il a trempé une patate fraîche aussi mince que possible, il a fait frire les tranches dans de l'huile, il a rajouté du sel, il a accompagné ça, donc, il a accompagné ça d'un bol, évidemment, il l'a envoyé au client, et sa revanche lui est retombée sur le nez parce que le client a adoré ça, et on a appelé ça des Saratoga Chips, et c'est devenu de plus en plus populaire à travers les années en Nouvelle-Angleterre. Wow! J'espère qu'il y aura une commission pour chaque chip mangé. Sa commission, c'est croustille sur une liste. C'est ça, sa commission. Ah ouais, il va changer des chips. Ah ouais. Le logo de Bluetooth. Oui. Dans bleu. Savais-tu que c'est les initiales, en fait, d'un roi danois? Mais. Harold Bluetooth. C'est lui qui a donné son nom au Bluetooth. Donc, on pourrait être surpris de savoir que ça vient d'un roi d'il y a très, très longtemps. Le nom vient de... Pardon, je m'excuse. C'est ça, ça vient d'un roi d'il y a très, très longtemps. Le nom vient d'une compagnie, la compagnie parente de Bluetooth, qui est Ericsson, les téléphones cellulaires Ericsson. Donc, ça vient de leur héritage viking. La légende dit qu'un viking danois, Harold Blaton, okay, avait un don pour rassembler les gens avec la communication. Okay? Donc, il a même uni la Norvège et le Danemark en un seul territoire. Wow. Okay? Donc, étant donné que le Bluetooth est supposé connecter les gens, leur permettre de communiquer plus facilement, quel meilleur nom à lui donner que Blaton? Des Blaton en anglais, ça veut dire Bluetooth. Donc, on lui a donné le nom de Bluetooth. Génial. Fantastique. Oui, c'est le fun. Ça fait changement de barbe noire, barbe rouge. Et... dents bleues, lui. Il est dents bleues. Dents bleues. Il a sûrement mangé des casse-gueules. Ouais. ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de casse-gueules. Mais c'est bon. C'est très, très bon. Ensuite, tiens, un étudiant a prouvé un théorème mathématique en pensant que c'était un devoir. C'est à l'université UC Berkeley en 1939. Un candidat au doctorat était en retard pour un cours. Il a trouvé deux équations sur le tableau. Il croyait que c'était un devoir, donc il a ramené la solution quelques jours plus tard. La réalité, c'est que c'était des théorèmes mathématiques pour lesquels il n'y avait pas encore de preuves mathématiques. Donc, ces solutions étaient les premières. L'étudiant a été surpris quelques semaines plus tard quand son professeur lui a dit, tout excité, hein, qu'il avait écrit une introduction pour un papier qu'il avait écrit, qui était prêt à publier par rapport à ces théorèmes-là. L'homme dit que c'était la première fois qu'il avait... que c'était quelque chose de spécial. C'est la première fois qu'il voyait un étudiant aussi spécial que ça dans sa classe. Spécial dans le sens. Dans le bon sens. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, l'histoire est devenue légende, évidemment, légendaire. La morale est évidemment qu'on ne devrait pas penser que quelque chose est impossible parce que quand on pense que quelque chose est impossible, ben, c'est là qu'on ne travaille pas parce que c'est impossible. Ben voilà. Tu dis, je ne travaillerai pas, ça donne de toute façon, c'est impossible. Et voilà. Ils n'ont pas fait un film sur ça? Peut-être. Ça ressemble un petit peu au film avec Matt Damon et l'autre, hein? Oui. Il est comme concierge. Oui, exactement. C'est peut-être pas la même histoire en tant que telle. Ouais. Alors, c'est quoi le nom de ça? Ah, je me rappelle pas. T'es sûr que c'est Matt Damon? Oh, ben, Matt Damon et Ben... Ben, pas Ben Stiller. L'autre, son ami. Oui. Ben, voyons. Caroline, qu'on n'a pas rapport aujourd'hui avec nos noms. Ah, tu vas trouver ça, je suis sûr. Ben oui, je vais le trouver, mais dans la prochaine, minute. C'est ça. Fait que c'est fini. C'est pas grave. Continuons avec Monopoly, qui a été inventé par une femme qui essaie d'avertir les gens par rapport aux dangers du capitalisme. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut prendre un jeu qui est supposé montrer le mal de la vie, l'avarice, hein? Donc, qui est permis par le système des locations et des ventes de maisons. Et changer ça en un jeu qui récompense les gens qui peuvent louer le plus de propriétés possible. En 1904, une femme nommée Elizabeth Maggie a reçu un brevet pour un jeu de table qu'elle a inventé qui s'appelait The Landlord's Game, donc le jeu du propriétaire. Maggie voulait que son jeu soit un outil d'enseignement montrant aux gens les dangers économiques des monopolies, des monopoles, bien sûr, en français. Les monopoles par rapport aux terres et à la puissance. Quelqu'un qui aimait beaucoup l'économie, Henry George. Non, c'est ça. Elle suivait plutôt l'économiste Henry George. C'était son héros. Elle voulait voir comment ces monopoles-là pouvaient bénéficier à peu de gens et tout en gâchant la vie de quelques personnes, de plusieurs personnes. Comme le jeu Monopoly plus tard, The Landlord's Game avait un coin sur sa planche à jouer qui s'appelait Public Parking, donc stationnement public. Il y avait aussi Poor House, les maisons des pauvres, et Easy Street. Si tu passais sur Lord Blue Blood's Estate, et non pas Bluetooth ici, Blue Blood, tu te faisais envoyer en prison et tu ne ramassais pas du tout $200, bien sûr. Charles Darrow a le crédit pour l'idée du jeu Monopoly en tant que tel, même si c'est évident qu'il s'était inspiré de The Landlord's Game. L'objectif du jeu est exactement le contraire. Dans Monopoly, le joueur gagnant est celui qui peut acheter, louer ou vendre autant de propriétés que possible pour avoir le plus de profit possible. Eh ben, j'ai trouvé le nom. Non, Mathieu. Toujours pas, c'est Ben. C'est quoi le nom, Ben? Quelque chose, là. Ah, je sais pas quoi marquer. Puis quand j'ai écrit, j'ai de la misère à te suivre. Fait que là. Ouais, je comprends. C'est lui qui était avec Jennifer Lopez, là. Ben, truc. Tape Jennifer Lopez, Ben. C'est sûr que tu vas trouver ça. Puis tu vas trouver son nom, tu vas trouver sa page IMDb, tu vas trouver fait. La loi de Murphy est nommée en l'honneur d'un vrai homme. C'est vrai, on a tous eu une période dans la vie où tout avait l'air de mal tourner. Là. On est en retard pour aller au travail et on tombe sur chaque lumière rouge, on porte du blanc et on se traverse quelque chose dessus. Donc, aucun de ces exemples-là fait aussi mal que ce qui est arrivé à l'homme qui a inspiré le terme, la loi de Murphy. Donc, il y avait vraiment un Murphy, il travaillait comme ingénieur dans la United States Air Force. Le capitaine Edward A. Murphy Jr. travaillait sur un projet au Edwards Air Force Base en Californie en 1949. Il essayait de déterminer la force, la G-force, donc ça, c'est la force G, là, la rapidité du... Oui, la force, puissance G, voilà. De Ginette, que l'être humain est capable de supporter. Donc, ça allait être utilisé plus tard dans les designs des avions. Le colonel John Paul Stapp, officier pour l'Air Force, était bénévole. Il a dit qu'il allait être le petit, si on veut, cochon d'Inde ou le crash test dummy des expérimentations de l'équipe de M. Murphy. Pendant plusieurs mois, il a souffert d'os dos cassé, de commotion cérébrale, de vaisseaux sanguins perforés ou tranchés dans les yeux. Tout va bien, finalement. Tout va très, très bien. Mais tout ça pour faire avancer la science. Pendant un des tests, le capitaine Murphy a amené 16 sensors, des senseurs, trucs, à appliquer au colonel Stapp pour réussir à mesurer la force appliquée lorsqu'une fusée arrivait à un arrêt soudain. Après le premier test, tous les sensors arrivaient à zéro complètement. Donc Murphy a enquêté et chaque sensor avait deux façons possibles d'être connecté. Et contre toutes les possibilités, les probabilités, chacun des 16 sensors était connecté incorrectement. Murphy disait donc en se plaignant par rapport aux techniciens, en disant que sa seule chose à faire était de brancher les sensors. Il a dit quelque chose comme, et je cite, « S'il y a deux façons de faire quelque chose et qu'une de ces façons-là va mener vers un désastre, c'est comme ça que ce gars-là va le faire. C'est la loi de Murphy. » C'est la loi de Murphy. Plus tard, dans une conférence de presse, Stapp, qui était connu pour son humour, a justement repris cette réplique-là et l'a attribué à Murphy et a nommé ça Murphy's-là, anticipant que tout ce qui pouvait mal tourner allait mal tourner. La loi a donc été incorporée dans le vocabulaire moderne par la suite. C'est très drôle. C'est Good Will Hunting. Ah, évidemment, Good Will Hunting. Avec Matt Damon, Robin Williams puis Ben Affleck. Bonne chance, chasseur en français. Oui. Bonne chance à la chasse. C'est quoi, Ben? Quoi? Ben Affleck. Ben Affleck. Ben oui. Oui. Ben oui, Mathieu. Sûr. C'est le futur ski Batman, ça? Le nouveau Batman, c'est Ben Affleck. Hein, ah là, Mathieu, là, tu m'en poses. Tu le cherches. Une fois rendu ça à la page, on l'a écrit. Ben, oui, Ben Affleck, check comment il est beau. Ben oui, c'est sûr. C'est ce que je veux voir. Hein, tu me connais bien. Parlons de Cheetos, tiens. Ben oui, Batman versus Superman, oui. Voilà. Ben Affleck, un grand fan de Cheetos. Surtout les Flamin' Hot Cheetos, ceux qui sont très, très piquants. En octobre 2012, CBS News nous disait que les enfants étaient amenés dans les salles d'urgence à cause de leur sel rougeâtre. Les parents paniquaient parce que le kéké rouge, c'est jamais vraiment une bonne chose, hein? Ben là, non, il y a des rumeurs qui disent que non. Rarement. Donc, on a bientôt révélé que c'était à cause des sacs de Flamin' Hot Cheetos que les enfants utilisaient pour s'empiffrer. Je cite, « Même si on mange certaines nourritures avec du colorant rouge régulièrement, nos sels ne viendront pas décolorés ou colorés autrement, à moins d'en manger vraiment, vraiment beaucoup. » Ça, c'est la pédiatre Dr. Kathleen Burkleman de St. Louis Children's Hospital qui a dit ça. Flamin' Hot Cheetos est une des nourritures que les gens mangent en énorme quantité. Parce que, Colin, ça te rend accro, c'est tellement bon. Mm-hmm. Même si une selle rouge à cause des Cheetos n'est pas un problème médical immédiat, le fait que l'enfant mange trop pourrait plus tard mener, évidemment, à des problèmes médicaux. Bon. On les a bannis dans plusieurs écoles parce que les enfants substituaient des repas avec un sac de Flamin' Hot Cheetos tellement ils trouvaient ça bon. Mon Dieu! Mais ils ont l'air bien bonnes. Mais je les envie. Faut en trouver. Faut faire une malbouffe de la semaine avec des Flamin' Hot Cheetos. Malheureusement, on n'a pas ça à l'université. Donc, la machine de chocolat et de chip est brisée dans notre pavillon. Tu veux? Non. Brisée. Ah. Pas de chip pour toi. Flamin' Hot Cheetos. Ben, OK, je commande ça. Tu commandes ça sur eBay? Oui. OK, parfait. Le premier scientifique à avoir proposé la théorie du Big Bang était en fait un homme de religion. étrangement, parce que la religion, on se dit d'habitude, t'es soit du côté, bon, de Dieu a créé l'univers en 7 jours et autre bullshit, ou encore tu crois que qu'une explosion singulière a démarré tout, a mis tout en mouvement pour ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, t'as peut-être plus en commun avec le côté de Dieu que tu pensais, parce que la théorie du Big Bang, oui, a été proposée par un prêtre catholique. Mm-hmm. Même Roman Catholic. Monseigneur George... Son nom est tellement francophone. George-Henri Joseph, mais ça pourrait être George-Henri Joseph. Mais c'est qu'il y a un S à George. On fait ça, je suis en français. Oui. Quand tu dis James. Monseigneur... James. James. Non, mais le prénom George en français, un S, puis pendant... Charges. En tout cas, bref, ça dit dans l'article en anglais, Monseigneur, donc en français, ça dit ça. Monseigneur George-Henri Joseph Douard-Lemaître est né en 1894 en Belgique. Est-ce un maître? Est-ce un prêtre? On ne sait pas. Donc, son CV, il y avait beaucoup de professions qu'on ne verrait pas d'habitude ensemble, comme prêtre, Roman Catholic, je ne sais pas c'est quoi en français, romain catholique, j'ai aucune idée, astronome, professeur de physique à l'Université catholique de Louvain. Étant donné qu'il suivait autant les étoiles que Dieu, mais il était capable de connaître, il connaissait plus d'affaires que les autres, qui étaient renseignés dans le domaine. Malheureusement, le nom de Lemaître n'est pas dit très très souvent, en tout cas pas aussi souvent qu'on devrait le dire. Plusieurs théories sont attribuées à Edwin Hubble, qui a publié des théories similaires 2 ans après M. Lemaître. Lemaître était aussi le premier à créer ce qu'on appelle la loi de Hubble, et le premier aussi à trouver la constante de Hubble. Donc, on a nommé même notre télescope spatial Hubble en hommage à Hubble, et c'était probablement une idée de Lemaître. Le maître a toujours raison. C'est ça. Le maître de l'observatoire. Oui. Il parlait tout seul. Bonjour, le maître. Ici, le maître du labo. T'aurais pu aussi dire que Hubble a dépassé le maître. Tu sais, l'élève dépasse le maître. Merci. 20 fois meilleur. À deux, non. Ne minimise pas tes blagues. Mais au moins 19 fois meilleur. Peut-être 19 fois sur 20. 19 fois sur 20, c'est pas une affaire de sondage. Oui. Léger, je sais pas quoi. Google Maps utilise les données cellulaires anonymes pour savoir comment fonctionne le trafic. Si t'as déjà utilisé Google Maps, l'application sur ton téléphone cellulaire, pour naviguer d'un endroit à un autre, un peu comme le GPS, ça fonctionne un peu comme un GPS, mais via Internet, sans les ondes, le GPS. Donc, t'as peut-être renvoyé à Google un joli petit service. Quand tu coches My Location dans Google Maps, ton téléphone va envoyer des morceaux de données anonymes décrivant la vitesse à laquelle tu avances. Ils vont envoyer ça à Google. Donc, on ramasse les vitesses de différentes personnes partout au pays, sur des milliers de téléphones à n'importe quel moment donné. Ça va donner une image presque précise des conditions du trafic, exactement. Donc, la politique de vie privée de Google Mobile donne une liste d'informations que Google a droit de ramasser à ton sujet. Il y a entre autres ton numéro de téléphone, ton fournisseur de téléphone, finalement, les statistiques d'utilisation par rapport à ton appareil, etc. Google dit qu'ils utilisent leurs informations pour créer des solutions pratiques et créer une meilleure expérience pour l'utilisateur. Donc, j'imagine, si après ça, il peut dire qu'il va y avoir du trafic à telle place, c'est passé par une autre place ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il voulait mettre ça sur les autobus et les taxis. Bonne idée. Oui. Donc, comme ça, mettons, dans les grands centres urbains, là, comme, mettons, Montréal, Québec, plus. Pas Trois-Rivières, mais non. Non, c'est ça. Tu sais, si l'autobus avance pas, il sait qu'il y a du trafic, etc. Donc, je sais pas si ça a eu lieu, finalement. J'en ai aucune idée. Ah-ha. Très, très pertinent comme idée, ça. Une version illustrée et écrite à la main de la Bible vient de prendre 13 ans à se compléter et c'est maintenant fait. Et tu croiras sûrement pas le coût de tout ça. Et donc, l'invention de la presse à imprimer a fait que c'était possible pour tout le monde d'être propriétaire d'une Bible, s'il le voulait. Toutes les chambres de motel. Toutes les chambres de motel, ceux qui n'ont pas Fifty Shades of Grey, comme... oui, comme on a déjà dit. Ouais, c'est ça. c'est ça, ça a terminé un petit peu l'art de créer des Bibles à la main. Des Bibles à la main, ça existait. C'est ce que tout le monde pensait. Donc, le 19 octobre 2011, une version illuminée, écrite à la main, nommée la St. John's Bible, a été révélée. Donc, écrite à la main par un calligraphe renommé mondialement, Donald Jackson. Donc, à St. John's University au Minnesota, c'est eux qui ont commandé cette Bible-là en 1998. Donc, ça a pris 13 ans pour la compléter. Et le dernier mot a été écrit, donc, en 2011. Ça contient 1150 pages, ça pèse 165 livres. Lorsqu'on l'ouvre, ça mesure 2 pieds de haut par 3 pieds de large. Et c'est ramassé en 7 volumes différents. Et chacun de ces 775 000 mots ont été écrits à la main avec de l'encre chinoise vieille de 130 ans. Passé par une plume, des plumes de dinde et de cygne, entre autres, swan, un cygne. Goose, c'est une poule? Non, c'est un faisan, genre. Un faisan, d'accord. Donc, à travers des plumes de ces animaux-là. Donc, la Bible écrite à la main a coûté à St. John's Abbey 8 millions de dollars. Pour une seule Bible. 8 millions? C'est de l'argent bien investi, pareil comme pas mal toutes les affaires dans la religion. Oui, quand même, hein? Mais ils font des bonnes affaires aussi, faut quand même pas leur enlever ça. Ils font des bonnes hosties. Des bonnes hosties. Les retailles, surtout. Oh. Voilà pour C'est un fait. Oui. C'était la première demi-heure de l'émission dans laquelle on fait C'est un fait. Dans la deuxième, tout à l'heure, on fera Kinky Sexy Time. C'est une oie. Une oie. Voilà, goose. Goose, c'est une oie. O-I-E. Ouah. Ouah. Ouais, c'est bien intéressant. Mmh. Ouais. Puis si on rajoute un point oui, on fait oui. Oui, oui, papa. Donc, je trouve ça drôle. Mais je sais pas. Mais t'as le droit, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est cool. La liberté d'expression, comme on l'appelle. Dans nos cœurs, on apprécie ton humour, Jean-Philippe. Merci. Dans nos cœurs, on apprécie tes commentaires pertinents. Et dans nos cœurs, Clément Jacques qui nous chante cette chanson-là, qui s'appelle aussi Dans nos cœurs. Tu comprends le lien? Oui. Ouais. Non. Na, wa, na. Vous êtes l'assemblage requis. Retour, si un coup de vent passe, ça va peut-être me lever dans le pantalon. qui c'est que c'était à mon retour? Restez là. Ouais, là là. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. Oh, yeah. C'est fou, ça! Dogwave et la pièce Crow Croc ou encore Crow Croc ou Crow Crow. Crow Crow. Crow Crow, aucune idée. Je sais vraiment pas. Ouais. Les oiseaux, qu'est-ce qu'on en pense? Crow Crow, en fait. Si vous le dites. Ce qui nous amène à un petit peu comme un oiseau sortirait son bec. Toi, tu sortirais le bec. Ouais. Voici Kinky Sexy Time. C'est Kinky Sexy Time. KS. Ça s'appelle KS. KS. Cause I'm KST. Tu l'as déjà fait, ça, mais t'es drôle. Ah ouais? Ouais, tu l'as déjà fait, mais vraiment parfaite. Fais-la. KST, King Sexy Time. Non, j'ai plus le goût. Non, ok, bon, laisse faire. J'en trouve une autre. C'était, ça avait l'air d'un reproche, mais c'était juste pour souligner le fait qu'elle est bonne deux fois. Ben oui. Peut-être, non, pas non. On pourra pas faire ça avec celle-là. Telle une rupture. Ah oh, ouais. Deux fois, non, non, pas du tout. Non, parce qu'une rupture peut être plus difficile pour les hommes que pour les femmes. OK. Selon une étude, bien sûr. Donc, une étude par rapport chez les hommes, en fait, du début de la vingtaine, nous apprend que les hommes trouvent les ruptures et les hauts et les bas des relations romantiques plus traumatisantes que les femmes. La raison, c'est leurs réseaux sociaux. Pas les réseaux sociaux comme Facebook. Mais les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. Les amis qu'on appelle entre guillemets, les gens qu'on connaît vraiment et non pas vos 1352 amis sur Facebook. Comme toi, t'en as genre 1500, je sais pas. Non, je pense que j'en ai pas tant que ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. J'avais checké l'autre fois, je sais pas pourquoi. Je me demandais, tu sais. Moi, je suis juste à 400, j'ai l'air de quoi, moi? Ben, je suis pas loin de ça. Ouais. Je n'ai enlevé plein. Je suis allé dans mes amis, je me suis dit, le chiffre est pas important, je n'ai enlevé plein. Oui, plein de gens que je connais pas. Bref, peu importe, on s'en fout. Mais les réseaux sociaux des gens sont importants. Donc, l'étude nous apprend que, rendu au début de la vingtaine, les femmes ont déjà un réseau social assez fiable et stable. Des relations très, très proches avec leurs amis, leur famille, et ça va les aider à passer au travers d'une rupture. Alors que les hommes, de l'autre côté, manquent souvent de ce soutien-là. Ils vont se fier plus à leur partenaire romantique comme personne avec qui dialoguer, avec qui parler. Donc, c'est plus difficile pour eux. Ils sont aussi émotionnellement plus vulnérables, étant donné qu'ils n'ont pas de soutien de leurs amis et familles, en tout cas moins. Et donc, ils vont avoir plus de difficultés à passer à travers de la rupture. Bon, c'est bien malheureux. Oui. Ouais. Après le sexe, parlant de tristesse, certaines personnes et surtout les hommes vont vivre de la tristesse et du regret. On a déjà glissé un mot là-dessus dans cette chronique-là, mais c'est ce qu'on appelle la post-coital tristesse, donc la tristesse post-coitale. Oh. Donc le PCT. PCT! Yes! Donc c'est un sentiment de mélancolie après avoir eu des relations sexuelles. Donc PCT. PCT! Et plus commun chez les hommes que chez les femmes. Plusieurs personnes qui souffrent du PCT? Non. Non, c'est fini? Deux fois, comme les femmes. Ah, d'accord. Vont aussi ressentir de l'anxiété pendant entre 5 minutes et 2 heures après les relations sexuelles. Le terme vient du latin post-coital, après le coït, hein, quand même. Et le français, le mot français, tristesse. Je pense que ça, on avait un petit peu compris. La raison pour cette tristesse-là est supposément à cause de la perte de la semence, du sperme. Et l'épuisement que le corps va vivre après la relation. Donc, à la place de se sentir soulagé, le corps va se sentir faible et épuisé. Et le proverbe latin « omne animal postcoital triste » veut dire « tous les animaux sont tristes après le sexe ». Oh. C'est cute, hein? Aristote et plusieurs autres écrivains et poètes ont écrit sur la tristesse postcoïtale dans leurs travaux, leurs différents textes. L'hormone prolactine qui est utilisée qui fabrique le lait qui provient du sein maternel, donc est aussi trouvée chez les hommes. Ça va être ça. Et ça va monter vraiment beaucoup. Le taux de prolactine va vraiment monter après un orgasme. Ça va monter de 400% pendant le sexe, plus 400% plus que lors de la masturbation. Ce qui fait que les scientifiques croient que les relations sexuelles sont beaucoup plus satisfaisantes que la masturbation. Ah ben, tu vois. Alors que la prolactine arrive à un plateau et tu sens un creux dans tes émotions. Ça peut être aussi un problème qu'on vit quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on n'aime pas vraiment. Donc, on va ressentir la même chose quand on a des relations sexuelles avec quelqu'un qu'on n'aime pas, parce que la connexion intime marche pas dans ce cas-là. Ah ben, étrange. Intéressant. Il y a un homme qui a fait des recherches sur les speech patterns, donc la façon que les gens parlent dans la communauté gay pour déterminer si ça existe, la voix gay. Ouais, OK. Tu sais, des fois, on se dit, bon, les personnes qui sont gays, principalement les hommes, vont avoir une petite twist de voix qui va faire qu'on va les reconnaître en tant que personne gay. Donc, Peter Reen, un étudiant de l'Université du Texas, a commencé à faire des études sur ce qu'on appelle, en fait, des études sociales anormales et des expérimentations psychologiques. Son but est de prouver une corrélation entre ce que certains appellent la voix gay et la non-conformité des genres. Donc, selon Peter, son utilisation de psychométriques approuvées. OK? Donc, dans cette expérience-là, on a trouvé des hommes qui étaient psychométriquement approuvés. Donc, on dit qu'ils vont être capables de coter d'autres hommes sur le niveau de leur homosexualité d'une échelle, donc c'est une échelle entre 0 et 6 par rapport à leur homosexualité et à leur niveau de voix. Est-ce qu'elle a l'air gay ou pas, cette voix-là? Okay. C'est une corrélation entre les deux. C'est super difficile à expliquer. On appelle ça « Related Childhood Gender Behavior Scale », cette échelle-là. Donc, l'expérience de Peter est basée... dans le fond, il voulait trouver si une voix qui sonnait gay était reliée avec le fait en tant que tel et la non-conformité avec le genre. Donc, dans le fond, non-conformité, ça veut dire, dans le fond, que t'es pas hétérosexuel, dans ce cas-ci. C'est ça. Il a découvert que 68,5% du temps, il y avait une catégorisation précise, donc correcte, des 30 hommes gays, 4 personnes bisexuelles et 24 personnes hétéros, qui étaient entre 21,8 années d'existence, donc d'âge, et 24 ans. Donc, les hommes étaient tous assujettis à cette échelle-là pour voir s'ils allaient être classés entre gays ou pas gays. Et ça a donné 68,5% du temps exactement la bonne chose selon l'échelle que les hommes ont utilisée. C'est vraiment complexe comme façon d'expliquer ça, mais... Pour 68%, moi, c'est pas... C'est pas extravagant. Non, c'est pas extravagant comme une personne gay extravagante, oui. Mettons, si on veut. Par contre, ce que j'avais entendu dire, j'avais lu un article là-dessus, que les hommes qui sont gays ont tendance, apparemment, selon eux-mêmes, à faire ça, à ambitionner cette voix-là, ce style de façon de parler-là, pour montrer aux autres personnes gays qu'ils sont gays, mais pour peut-être réussir à avoir un couple plus facilement que de d'autres façons. Non, peut-être. Mais bon, ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, c'est ce que j'ai vu. Little Richard a écrit une chanson sur le sexe anal. Ok. Savais-tu ça? Non. Devine laquelle? Le sexe anal party. Sexe anal. Non, c'est le classique Tutti Frutti. Ah! Oui, Little Richard, né en 1932, est une figure d'influence dans la musique depuis plus de 6 décennies. Il a écrit et performé des chansons célèbres comme Long Tall Sally, Heebie Jeebies et bien sûr Tutti Frutti. La chanson Tutti Frutti était son premier succès majeur et surprenamment, très peu de personnes en fait ont compris que c'est une chanson qui parlait de sexe anal. Une chanson qui a été écrite dans les années 50. Étrange qu'elle puisse être aussi vulgaire, parce qu'à l'époque c'était un petit peu moins accepté la vulgarité. Le message de la chanson est déguisé comme une chanson d'amour normale avec des petits bukkachi, des sons jazz instrumentaux, etc. Par contre, selon la biographie écrite au sujet de Little Richard, la chanson à l'origine faisait référence vraiment beaucoup au sexe anal plusieurs fois, mais la compagnie de disques a demandé à ce que les paroles soient changées. Donc, il a décidé de changer les paroles un peu, mais au fond, pas trop. Ça reste quand même. Uh-huh. Allez voir les paroles. Ben, Little Richard, Little Dick, comme on l'appelle. pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soldats d'Hitler sont morts plus fréquemment de syphilis qu'au combat. Étrange, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a envoyé ses soldats nazis à Paris, en France, pour combattre, évidemment. Hitler a reçu une lettre de son chef, Heinrich Himmler, qui disait que ses hommes mouraient de la syphilis à cause des prostituées locales. Donc, pour empêcher la syphilis de se propager, voilà, Hitler a créé ce qu'on appelle le projet Borgild. Donc, le Borgild Project était une mission top secrète où ils allaient envoyer des poupées gonflables aux soldats pour pouvoir avoir des relations avec elles et non avec les prostituées locales. Hitler, donc, a fabriqué ces poupées gonflables-là pour les soldats. Et comme Hitler, c'est très typiquement Hitler, les poupées étaient blondes aux yeux bleus. Ah bah oui. Bien sûr. Et c'était pas des poupées grandeur nature parce qu'Hitler voulait que les hommes puissent cacher les poupées dans leur sac à dos. Tout a été passé. C'est vraiment. Après 2 ans, les hommes ont arrêté d'utiliser les poupées. Ils disaient qu'ils étaient gênés de les avoir dans leur sac à dos. Donc Hitler a fait fermer l'usine de poupées gonflables et le projet Borgild n'a jamais été. On n'a jamais reparlé de ça jusqu'à récemment où les détails sont sortis dans un livre historique. Eh ben. Donc, on a raconté l'histoire du projet Borgild. Borgild. Eh ben. En Égypte, dans l'ancien temps, et en France au 18e siècle, les femmes donnaient aux hommes une petite pochette parfumée qu'ils gardaient dans leur vagin pour les attirer. C'est super, hein? Ben oui. Donc, en Égypte et plus tard en France, au 18e siècle, les femmes avaient une façon particulière d'attirer l'attention du sexe opposé. Les femmes faisaient des petites pochettes, des sachets, si on veut, les remplissaient d'odeurs plaisantes comme des fleurs, des herbes, d'autres fragrances. Et ces sachets-là sont toujours utilisés aujourd'hui, un peu comme le pot-pourri. Oui. Évidemment, pas de la même façon, mais c'est le même principe qu'il est pot-pourri dans des tiroirs ou d'autres endroits qu'on veut garder bien odorant. Donc, ces sachets de fragrance-là étaient ensuite placés dans l'intérieur de l'orifice de tout ça, de la femme, entre les jambes, bien sûr. Donc, les femmes qui avaient ces sachets-là, elles les donnaient ensuite à leur futur, peut-être, époux. Hein? Ou en tout cas, espérons-le pour elle. Elle croyait que la fragrance mélangée avec leurs phéromones, donc ce qu'on dégage tous pour attirer les personnes allait que l'on veut. Allait les teaser. allait les agacer, exactement. Donc, les hommes, de l'autre côté, faisaient quelque chose de quand même assez différent pour attirer les femmes. Dans les pays méditerranéens, comme la Grèce, les hommes prenaient un mouchoir, donc un mouchoir de tissu, et le plaçaient en dessous de leurs bras, jusqu'à ce qu'ils commencent à suer à outrance. Et là, une fois que le petit linge était odorant, ils se rendaient à des festivals, ils marchaient, ils trouvaient une femme avec qui ils voulaient danser. Quand ils trouvaient cette femme-là, ils passaient leur mouchoir devant leur nez. Il l'enlevait du dessus de leur bras. Pour sentir le tour. C'est ça. Et donc, la femme, après ça, était évidemment sous le charme de son swing. C'est super. Si t'es capable de supporter mon odeur de swing, t'es capable de me supporter moi. Voilà. T'es la femme de ma vie. Qui prennent mes enfants, prennent... Tu sais, comme si t'aimes mon chien, tu m'aimeras. Faut que t'aimes mon chien pour m'aimer. C'est la même chose, faut que t'aimes mon odeur aussi, tu sais. Oui. C'est ça. Bref, peu importe. Mais non, moi, il y a rien qui me repousse plus que l'odeur à outrance du swing. Je trouve ça vraiment déplaisant. Moi aussi. Parfait. On va être là pour s'entendre. On se le dira si on s'en swing l'un l'autre. Mais ouais, non, j'aime pas ça. Je comprends pas, mais bon, à l'époque, ça devait être différent. On pourra se passer la prochaine fois. On se passera le bâton de Déo sous le nez. Oui, c'est ça. Un petit Déo party. In a Chelsea's Déo, comme il disait dans la chanson. L'odeur de poisson venant de l'entrejambe féminin. On reste dans les odeurs vraiment corporelles. Oui, on est là. Je sais pas pourquoi. Ce qui m'a amené à les mettre une après l'autre. Ah c'est, ouais. Donc, l'odeur de poisson, on entend souvent la petite sauce au poisson dans les restaurants genre Cambodiana. Ben, c'est, oui? Ça vient de c'est l'inspiration pour l'odeur directe. Où l'un va avec l'autre. Mais bref, c'est peut-être causé par le même truc organique que le poisson. Donc, l'odeur vaginale et la consistance de la décharge vaginale et sa couleur sont des clés, des facteurs clés pour déterminer la santé du vagin d'une femme. Le triméthylamine est un organic compound. J'imagine que c'est un nom en français que j'ai malheureusement pas cherché, mais un truc organique qui peut être trouvé, entre autres, dans les plantes et chez les animaux. Ça n'a aucune couleur et c'est capable de retenir les molécules d'eau donc qui sont présentes. En haute concentration, ce compound-là va émettre une odeur d'ammoniac. Et en faible concentration, par contre, ça va donner une odeur un petit peu comme un poisson. Donc, le triméthylamine est produit quand les animaux et les plantes commencent à se décomposer. Donc, pour le vagin, ça arrive lorsqu'une femme a une décharge vaginale, ce qu'on appelle la bacterial vaginosis. Cette maladie-là est causée par un déséquilibre bactérien, si on veut, dans l'entrejambe féminin. Ce qui cause cette maladie-là peut être, entre autres, se surlaver, faire trop souvent des douches. Vaginal, comme on l'appelle. Donc, le douching, qu'on va appeler en anglais, c'est quand on injecte, oui, un agent de nettoyage à l'intérieur du vagin pour enlever les bactéries. C'est que l'entregent féminin, naturellement, a ces bactéries-là pour lubrifier et nettoyer le tout. Donc, si on enlève ces bactéries-là, ça va défaire l'équilibre et ça va provoquer de mauvaises odeurs. En plus de ça, une autre cause peut être de participer à des activités sexuelles avec plusieurs partenaires. Par contre, les scientifiques ne sont pas certains quelles activités sexuelles sont vraiment un facteur dans cette odeur-là. Mais quand même, donc il y a des raisons pour ça. Les hommes qui pensent que toutes les femmes sentent le poisson, c'est faux. C'est complètement faux. Il y a des raisons pour ça et c'est sûrement la surpropreté. En tout cas, c'est ce qu'on en comprend. Très bien. Et ben. C'est surprenant, pareil. C'est surprenant. Moi, je m'attendais pas à ça du tout. Quand on m'a dit qu'il y avait une odeur de poisson, je me suis dit, bon, Caroline, ça sent ça, le poisson? Je savais pas que ça sentait pas. Ça, ça sent pas ça, le poisson. Okay. Une protéine du lait est utilisée dans la fabrication du latex. Ce qui veut dire que la plupart des condoms sont pas bons pour les végétaliens, ceux qui ne mangent rien ou boivent rien qui est produit par l'animal. Donc, plusieurs personnes, évidemment, sont allergiques au latex. Vont utiliser des condoms faits à partir de peau de chèvre, peut-être pas de peau, là, d'intestin. D'intestin, voilà, de mouton, de chèvre. Donc, si on considère que la plupart des condoms sont fabriqués de latex, à partir de latex, c'est normal, donc, d'être allergique et d'aller voir ailleurs. Par contre, ceux qui sont plus végétaliens, eux vont avoir beaucoup de problèmes parce que les condoms sont fabriqués, la plupart, avec des protéines du lait. Donc, les végétaliens, évidemment, comme on l'a dit, mangeront pas de lait, de produits qui sont produits par les animaux. Plusieurs compagnies de condoms vont fabriquer leurs condoms en utilisant de la caséine, C-A-S-E-I-N-E, j'imagine en français, qui est une protéine du lait. Ils peuvent aussi utiliser de la poudre de lait dans la fabrication. Heureusement pour les végétaliens qui ne veulent pas abandonner leur autre méthode pour empêcher de tomber enceinte, finalement, il y a des condoms qui sont faits pour vous. Les Glide Condoms, Sir Richard's Condoms, les RFSU. Sir Richard. Pardon, Rickards Red. C'est excellent. Les condoms Condomi et il y a plusieurs autres. Donc, allez voir les noms sur assemblagerequis.com. Il y a un article là-dessus. Les condomis. Voyons, coudon, t'es amis où? Wow. La semence va aider l'humeur de la femme et pourrait même empêcher d'être malade. Tu sais, quand t'es enceinte, t'as des morning sickness, des haut-le-cœur matinaux, si on veut, un peu comme on appelait à sondage Ricky. Haut-le-cœur matinaux, par exemple. Donc, la semence est parfaite pour votre état mental et votre santé physique, selon une étude. Donc, lorsque ça entre dans le corps de façon orale ou via une relation sexuelle non protégée, ce qu'il y a à l'intérieur de cette semence-là, de ce liquide masculin-là, ce jus de garçon, comme on pourrait dire, va réduire la dépression, va augmenter l'affection, tu vas avoir plus d'affection, et ça va t'aider à dormir. Les résultats de l'étude nous révèlent qu'une femme sexuellement active qui n'a jamais utilisé de condom montrait des symptômes dépressifs, moins de symptômes dépressifs que celle qui utilisait toujours ou habituellement un condom. Donc, ce que ça nous apprend, ça a été publié par les Archives of Sexual Behavior Journal. Ça suggère donc que c'est la semence et non pas juste les relations sexuelles qui rendent les femmes heureuses. OK. Quand même intéressant. Très bon. Une autre nouvelle étude qui nous apprend quelque chose sur le online dating, donc les sites de rencontres. Les relations qui se déroulent après s'être rencontrées sur Internet ne sont pas ont pas plus de probabilité de rupture ou d'insatisfaction que les relations qui sont créées comme ça dans la vie tous les jours sans Internet. Une étude sur presque 20 000 personnes entre 2005 et 2012 nous apprend que les couples avaient des niveaux comparables de bonheur, peu importe comment ils se sont rencontrés. Donc, ça a été publié par Proceedings of the National Academy of Sciences. Les couples n'étaient pas nécessairement en moins bon état, mais ils n'étaient pas nécessairement en meilleur état non plus. Donc, il y a un taux à peu près égal de divorce dans les deux cas, que ce soit sur Internet ou pas sur Internet. Donc, on pourrait penser que la plus jeune génération, donc notre génération et celles qui sont dans notre coin d'âge, aurait plus tendance à se rencontrer en ligne de nos jours parce que, bon, c'est plus facile, tout le monde connaît ça, Internet, mais non. Les couples plus âgés, en fait, ont plus de chances d'utiliser Internet comme outil pour rencontrer un partenaire, plus que les jeunes, selon l'étude. Ça me surprend, ça aussi, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Ben, ça surprend, mais en même temps, ils sont fragiles. Ils ne peuvent pas sortir, ils vont pas dans les bars, ils vont plus aux vues. Un accident est si vite arrivé, un grain de popcorn à terre, ça te pète la gueule. Ben oui, puis là, c'est fini. Casse la hanche. Non. Ton engin masculin, Jean-Philippe, est comme n'importe quel autre muscle. Tantôt, je me suis permis de dire vagin sûrement une douzaine de fois, je veux dire pénis dans ce cas-ci. Oh! Attention. Donc, c'est comme un muscle, ça a besoin d'exercice. Ben oui. On a déjà glissé un mot là-dessus, on a déjà mentionné ça en bref, mais plus de détails cette fois-ci. Le pénis, donc, est une partie du corps qui doit être exercée de façon régulière, sinon tu peux avoir des problèmes de santé. Pour maintenir ta santé, donc, l'engin masculin humain a besoin d'oxygène et pour avoir de l'oxygène, pour livrer de l'oxygène au pénis, les cellules sanguines qui transportent de l'oxygène donc vont s'envoyer vers l'engin masculin, surtout lors des périodes d'excitation, en fait lors des périodes d'excitation. Alors que le pénis se remplit de sang et d'oxygène, c'est là qu'il va prendre de l'expansion, va devenir, comme on appelle, en érection. Donc si une érection n'arrive pas quotidiennement, l'engin masculin est en danger de perdre son élasticité. Il pourrait même rapetisser. Il y a des études qui nous apprennent que sans une érection par jour, en tout cas des érections au moins régulières, l'engin masculin humain pourrait rapetisser d'entre 1 et 2 cm. Si on le fait pas régulièrement. Peut-être pas une fois par jour, mais en tout cas, on conseille une fois par jour. Le cerveau humain est programmé pour maintenir cette méthode-là et empêcher les dommages. Donc, les hommes, quand on va entrer en phase de sommeil profond, le Rapid Eye Movement, le REM, les impulsions du cerveau vont faire que le sang va se rendre à l'engin et ça va causer une érection, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que les hommes vont se réveiller souvent avec un petit morning wood. Et malheureusement, il y a des hommes qui souffrent de dommages nerveux et ne peuvent plus avoir d'érection. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une pompe. Voilà, tout simplement. Une pompe à engin. N'essayez pas la pompe à piscine, ça fait très mal. Ouais, il faudrait une pompe à vapeur. Mon cœur, quelque chose du genre. Oui. Chanson de feu de casse, hein? Ben oui. Donc, la pompe à pénis force cet engin-là à devenir à monter en érection en faisant de la pompe. Pompe. Moi, il bench 30 kilos. Puis le soir, je le promène en laisse. Je vais faire son exercice. Il est en train de faire les besoins partout. Il marque son territoire, ses mains. Ben oui, partout. Voilà. Et finalement, il y a une ligne aérienne qui te permet de rejoindre ce qu'on appelle le Mile High Club. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Mile High Club? Non. C'est des gens qui ont des relations en avion. OK. C'est vrai. Donc, pour une petite ligne aérienne, le Mile High Club est devenu une business pour eux. Ça a commencé lorsque un pilote a lancé un défi à l'autre copilote. qui ne serait pas capable d'amener un couple à payer pour participer, pour être inclus dans le Mile High Club, qui est le club select des gens qui ont des relations dans les airs. Bref, des milliers de clients voulaient bien payer pour rejoindre le Mile High Club pendant 21 ans. Donc, le moment de l'année le plus occupé est bien sûr la Saint-Valentin, où des douzaines de couples vont payer 425$ pour voler pendant une heure et se cacher derrière un rideau, donc pour faire leurs choses cachotières. Le client a le droit de choisir l'endroit où l'avion va aller. Pas nécessairement la destination, mais plus le trajet, si on veut. Et puis, c'est équipé d'un love seat. Donc une petite genre de causeuse, un petit divan, un petit genre de lit. Un lit en cœur. Genre, probablement. champagne et une boîte de chocolat. Tout ça pour 425$, c'est peu cher à payer. Ben, tu sais, c'est une expérience. C'est ça. On aurait dû faire l'émission dans un avion. On pourrait, Mathieu. Les années passées, on faisait l'émission dans un bateau. Dans un bateau. Là, on fait l'émission dans le bois. Ben oui. Pourquoi dans un avion? Ben l'année prochaine. L'année prochaine, ben oui. Ouais. C'est ça. Puis l'autre année d'après, ce sera dans une fusée. Peut-être. En direct de Mars. Dans un train avec José Lito Michaud. Ah, non. Oui. Sortir nos émotions. Ben oui, je pourrais pleurer tout le temps. Ben oui. Mais non, on a sorti nos émotions. Hein. La tristesse post-coïtale. Ben oui. plutôt un bonheur post-coïtale. Finalement. Ouais. C'est tout pour Kinky Sexy Time. Ah. KST. KST. Yeah. Ah, tout à l'heure à l'émission, dans la prochaine demi-heure, bien sûr, on y va par demi-heure cette année. On va faire Sex Smith, ça devrait pas, on l'a tantôt. Mm-hmm. Génial, on avance. On a déjà une heure de fête. Ça a-tu pas l'air? On s'écoute une autre pièce du palmarès. J'ai envie d'y aller un petit peu du côté anglophone pour l'entendre, notre ami Pascal Picard. Ah oui, tu vas aller voir Popo. Oui. Popo! Ben oui, Pepper Plains. C'est pas un beau surnom, ça, Popo. Popo. On dirait du cuquet. Pepper Plains, Pascal Picard, on écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Yeah. Vas-y, Popo! Poupou, c'est pas mieux. Pipi, papa. Papa. Passe. OK. Pupu. Passe-pique. Passe-pique. Passe-pique, elle se passe des piques, non, c'est pas bon. Ah. Bump my head on the same shelf. How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Can I bump my head on the same shelf? How many times will I get my fingers jammed in the door? How many mistakes must I make till I learn? How many bruises does it take to be done? How many frogs will I kiss to find the perfect one? What's so special about me that's gonna make it fun? Will I just get bored? What? Are you still around? Jump a moving train, I'll chase hurricanes. Just watch me turn around the room. The names head straight to the games. Oh baby, fly away, I'll hurt you too. Mm-hmm. Au retour, on s'achète un paquet de choses, peut-être de la crème glacée. J'ai envie de crème glacée. Je sais pas pourquoi. Au retour, c'est ça, mais ça devrait répondre là. Regarde ça. J'aime ça quand tu me lèches la boule. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Fifty Shades of Beige de Radio Radio. T'es vers combien chacune de tes 50 Shades of Beige? Combien tu donnes? Je sais pas, je te donne... Une côte levée. Une côte levée. Non, je vais veux pour moi, je vais garder mes côtes levées pour moi. Je te donne mes côtes. Ah oui, ok. Je te mes côtes. voici ça existe, ça ne devrait pas, là. Don d'organes, signez votre carte. Mais oui. Ça existe aussi notre devrait répondre là, la chronique des gadgets inutiles. Ici à Assemblage Requis, je vous ai fait une petite liste d'épicerie d'une liste de commission. OK. De choses à acheter. Débloquer un budget. Je sais que c'est l'été. Des fois, les gens, peut-être, tu sais, en job d'été, peut-être que vous allez pouvoir amasser votre argent pour acheter une de ces choses-là. On discutera à la fin laquelle vous pouvez vous permettre. Okay. Parfait. Parce qu'il y en a des plus chers que d'autres, vous allez voir. Commençons par des souliers, en fait des semelles qui vont vous mener à votre destination. Wow! Une compagnie nommée Doucere Technologies dit travailler sur Lecle, L-E-C-H-A-L, une paire de souliers et de semelles qui vont vous guider via ce qu'on appelle le haptic feedback. Donc, ça va bouger dans vos pieds pour savoir où tourner. Donc, les souliers et les semelles ont un module Bluetooth enlevable qui fonctionne avec un appareil mobile, évidemment, et une application comme tout dans la vie. Et vous allez choisir votre destination sur l'application et les souliers vont vibrer pour vous indiquer dans quelle direction vous devriez aller. Donc, si tu regardes la petite vidéo en bas de l'article, il y a des commandes gestuelles aussi. Par exemple, taper les orteils d'un soulier pour sauvegarder votre endroit où vous êtes présentement. Des trucs comme ça, des options farfelues comme ça. Les produits de Lecle, donc, vont aussi comprendre un tracker, un fitness tracker, comme tout dans la vie, les bracelets de fitness tracking, mais il va y avoir ça peut-être pas dans le soulier, mais ça va être un autre accessoire qu'il va y avoir. Vous allez pouvoir aussi compter le nombre de pas que vous prenez, que vous marchez, et le nombre de calories que vous avez brûlées. Ben, c'est génial. Ça a l'air le fun. Ben oui. Là, j'imagine juste, justement, tu sais, tu pars en date. Alors, moi, je suis le sens de l'orientation, là, check ben ça, je peux me retrouver n'importe où, tu vas aller où? Là, je te vois, tu tapes des pieds pour essayer de rentrer la côte. Comme un cheval. Genre. On dirait un étalon. Ah. Le produit final devrait avoir aussi peut-être l'article blague là-dessus, mais ça se pourrait très bien qu'il le fasse. Tu sais, là, comme dans Alice, pas Alice, c'est le machin d'Oz. Oui, claquer des talons pour revenir à la maison. Ça pourrait être ça. Donc, on peut s'abonner, s'inscrire sur le site de Lecle pour savoir quand le produit va être en précommande. lechal.com est le site web à consulter. Ensuite, vous aimez peut-être les notifications, un peu comme les montres intelligentes de nos jours ont tout le temps. Ça vous dit vos courriels, vos Facebook, vos Twitter sur votre montre. Là. Oui. Si vous n'avez pas ça, c'est un manque dans votre vie. Là, moi, j'adore ça. C'est moins dérangeant qu'on pourrait le penser. Donc, les notifications mobiles discrètes sont la façon du futur. À la place de tout le temps sortir ton téléphone de ta poche et tout le temps déranger les conversations avec les gens, tu vas pouvoir, à la place, le voir de façon subtile, juste en shakant. Ça va faire shaker ton poignet. Ici, c'est le Loon Case. C'est un case pour iPhone, OK, que tu vas pouvoir mettre, mettons, face par en bas. Tu vas voir juste le dos de ton téléphone. Et le skin, le case de ton téléphone, c'est lui qui va flasher tes alertes dessus. Okay? Ah. Donc, c'est un prototype qu'on a vu au CES, le Consumer Electronics Show, au début de l'année. Ça fonctionne sur l'iPhone 5S. Ça utilise des ondes électromagnétiques émises par ton téléphone pour afficher les notifications. Donc, les appels et les messages entrants vont arriver sur votre téléphone à différentes ondes. Donc, sur le réseau cellulaire, bien sûr. On parle, mettons, de Bell ou TELUS, peu importe. Et votre case va pouvoir répondre, votre étui, en détectant les ondes qui sont reçues et en affichant l'icône correcte à l'arrière de votre téléphone. Donc, c'est supposé vous donner la notification même quelques secondes avant que la notification ait lieu. Donc, mettons, ton téléphone, ton messager est en train d'être envoyé. Tu vas le voir sur ton case avant même que ton téléphone vibre. Wow! Ça, c'est vraiment le fun. Évidemment, plus tard, on va pouvoir le hacker parce que pour l'instant, c'est seulement appel téléphonique et messager. On pourrait plus tard avoir aussi Twitter, Facebook, etc. Ben oui. J'imagine. Donc, la fonctionnalité la plus impressionnante du Loon Case, c'est qu'il n'y a aucune batterie nécessaire, aucune pile. Ça utilise, comme je disais, l'énergie électromagnétique qui est générée par la communication, par les ondes du réseau cellulaire pour illuminer donc les icônes. Le projet Loon Case a récemment été lancé sur Kickstarter. On demande environ 39 $ américains pour avoir votre propre étui. Donc, allez voir l'adresse sur assemblagerequis.com. Je trouve ça très cool. C'est magique. C'est très beau. En plus, les icônes sont bien faites. Oui, c'est vraiment bien fait. Ouais. Ensuite, un foulard flasque pour les femmes. Tu te rappelles peut-être, il y a quelques mois, on avait parlé d'une cravate pour hommes avec une flasque donc d'alcool intégré. Maintenant, les femmes se demandaient, bon, moi, je suis pas Avril Lavigne quand même, de cravate. Donc, c'est la même chose, mais pour les femmes, la flasque scarf, le flasque scarf, donc un foulard pour femmes, 25 $ par foulard, dans une variété de couleurs, évidemment, de motifs, avec une vessie intégrée, si on veut, qui peut incorporer 8 onces d'alcool ou peu importe les autres liquides. Si vous êtes enceinte, n'importe quoi, vous mettrez du jus. On s'en fout. C'est un concept quand même plaisant. Oh, c'est le fun. Ça rend ton foulard lourd. Oui, quand même. Tu pourrais même te faire étrangler par ton foulard. Au moins, tu seras mort avec de l'alcool autour du cou. Hein? Ben, tu peux mettre de l'eau aussi. Hein? Tu peux aussi, ben oui, mettre de l'eau. Ben ouais. Oui, c'est ça. Maintenant, on parle de sleeping bag. Sleeping, on dit tout le temps sleeping. Sleeping, ça veut dire en passant s'enfarger puis se péter à gueule. C'est sleeping bag qui est en forme, ou en fait, en look apparence ours. Donc, c'est le Sleeping Bear Pack par Aiko Ishizawa. Non, c'est pas un vrai produit. En fait, non, c'est ça. C'est un vrai produit maintenant. Ce n'était pas au début, c'était supposé être un prototype. C'est devenu un vrai produit. Cette femme-là, Eiko, en fabrique quelques-uns à la main. C'est sûrement très, très cher parce qu'il faut lui envoyer un courriel pour savoir le prix. Donc, elle va en faire une fois de temps en temps comme ça. Donc, allez vous procurer ce sleeping bag d'ours. Mais pour vrai, la face, elle fait peur. Quand même. C'est pas un toutou, là. Ben, c'est pas un vrai ours, mais c'est... C'est pas un petit ourson ou un ourson. Non. Non. Maintenant, on parlait de fitness tracker tantôt, mais les enfants, eux, que vont-ils faire sans leur fitness tracker? Tu leur mettras pas une grosse montre intelligente. Quand même. À 300. Au prix que ça coûte. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de fitness trackers sur le marché, mais les enfants, maintenant, le LeapFrog Leap Band, un fitness tracker donc pour les enfants entre 4 et 7 ans qui encourage le jeu actif et les habitudes de santé avec un petit animal inclus, un peu comme un genre de Tamagotchi 2014. Les instructions audio vont laisser ceux qui ne savent pas lire à ramasser des points qui peuvent débarrer d'autres options sur la montre. Votre enfant choisit son animal virtuel et va apprendre des faits sur la nutrition. Il va aussi apprendre comment nourrir l'animal de compagnie, bien sûr, en prendre soin, etc., se soucier de lui. Il va se faire des points pour débarrer d'autres caractéristiques et d'autres accessoires pour son animal. Si votre enfant a déjà d'autres jouets de la compagnie LeapFrog, qui sont très populaires en ce moment, entre autres les mini-tablettes, etc., donc être actif va pouvoir débarrer des jeux sur les tablettes, entre autres, de LeapFrog. Et le LeapBand est disponible en vert, en bleu et en rose. Il y a une pile rechargeable. Les parents peuvent mettre des heures silencieuses où votre enfant, dans le fond, ne pourra pas jouer. Pendant, mettons, qu'il est à l'école, il ne pourra pas se servir de sa montre. Pendant qu'il est supposé dormir. Dormir, exactement, faire ses devoirs. Donc, le LeapFrog Leap Band va se vendre 40$. Elle va être envoyée au début du mois d'août. Moi, intelligente pour enfants, j'aurais jamais pensé. Ben. Il y en a eu pour les chiens, on avait parlé il y a quelques semaines aussi. Pas la même chose. Pardon, c'est un autre étui pour iPhone maintenant, pour iPhone 5, qui va faire que votre téléphone va sentir meilleur. C'est le Atomizer, qui est un projet Indiegogo qui demande 20 000$ en tout. Donc, en tout et partout. L'atomizer, c'est des petites cartouches remplissables qui vont avoir vos fragrances préférées, OK, dedans. Sinon, tu peux avoir un truc pour te nettoyer les mains, tu sais, un désinfectant. Du purel. Du rince-bouche, n'importe quoi d'autre, donc du liquide. Et les quantités de liquide à l'intérieur de l'étui sont approuvées par les lignes aériennes, là, okay, pour les voyages. Vu que c'est beaucoup, c'est très, très peu de liquide. Donc, on demande 20$ pour réserver votre Atomizer Case en noir ou en blanc pour votre iPhone 5 ou 5S. Visitez atomizer.com, A-T-O-M-Y-Z-E-R.com pour donner de l'argent via Indiegogo. Eh bien. C'est une bonne idée, ça, d'avoir du rince-bouche sur toi. Ah, tout le temps. Au cas où, tu sais. Ouais. On sait jamais. Un chandelier maintenant en forme de gummy bears, mais plusieurs gummy bears. Des vrais, là? Non, malheureusement. Je t'ai fait une fausse joie. C'est le Jello Chandelier. Donc, le Gummy Bear Chandelier, le chandelier Gummy Bear, si on veut. C'est le rêve de tous les enfants, malgré pour le fait que c'est fait avec des Gummy Bears d'acrylique. Et donc, c'est pas mangeable. Mais sinon, c'est quand même très impressionnant. Ça va ajouter beaucoup de couleurs à votre pièce parce que vraiment des petits Gummy Bears accrochés à des petites ficelles. Et le tout en l'œuvre en tant que telle donne une sphère. Oui. Tu sais, faut le faire, donc, en appuyant juste sur le bouton de votre lumière, le chandelier va émettre une couleur subtile, mais colorée, nous dit-on. Pour vrai, c'est beau. Chaque chandelier est fait à la main, donc il n'y en a pas d'autres qui vont être pareils, et c'est pour ça que ça coûte 6 500$. Ça me fait penser à dans la sitcom pour enfants iCarly. Carly, elle a une sorte de lampe en gummy bear. Oh. En petit jujube. C'est super cool. La maison est en plein milieu du studio. Ben oui, après la place d'une disco ball, là, comme au tricheur, là, pour avoir une boule de gummy bears. Ah oui. Mais avec des vrais, puis on s'en pogne un à chaque pause. On a le droit. Ben oui, on a le droit. Une croque. On achète une par semaine. Oui. Avec moi, c'est une par semaine, pas par mois. Tiens, les femmes enceintes, tout le monde est enceinte, tout le monde a des enfants partout, je sais pas ce qui se passe, c'est le baby boom 2014. Donc, il y a une curiosité naturelle à savoir, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre, hein? Donc, un ultrason, une fois de temps en temps, ça va te donner un petit genre d'avant-goût de ce que ton enfant est en train de faire dans ton ventre, mais si tu veux savoir vraiment ce qui se passe et sauvegarder ces souvenirs-là, il te faut le Mama's Womb Sound Memory Recorder, l'enregistreuse de son d'intérieur de ventre de maman. Donc, ça crée un journal intime du son, si on veut. Donc, ça vient du Japon. Il y a 6 types de mélodies qu'on peut faire jouer à son enfant dans son ventre aussi. Wow. OK. Et la théorie, c'est que tu peux calmer un enfant. C'est ça. Tu peux faire jouer le son sur ton ventre, évidemment. Mais aussi, quand ton enfant naît, tu peux lui faire entendre des sons de l'intérieur de ton ventre pour le rassurer, apparemment. Apparemment que ça fonctionne, que c'est super calmant d'entendre comment c'était dans ton ventre quand il est en crise. Et Donc, aussi, tu peux insérer des photos de ton bébé sur l'appareil. Il y a des petites cases exprès pour ça. C'est vraiment cheesy, là, à mort. De, oui, vraiment, là. C'est vraiment là. Mais quand même, vous allez pouvoir enregistrer les sons dans votre ventre et ensuite les faire jouer à votre enfant nouveau-né. Voilà. Super, c'est le Mama's Womb Sound Memory Recorder. Quand vous barrez votre vélo, moi, ça m'est déjà arrivé ici même à l'université de me faire voler un vélo. Ah oui? Parce que c'est pas safe. C'est pas safe la plupart du temps, un truc pour barrer son vélo, un cadenas. Donc, sécuriser votre vélo en public, c'est d'habitude fait avec un U, bon, on sait. Ou une simple chaîne qu'on a acheté chez Dollarama, puis surprenez-vous pas que votre vélo se fasse voler après ça. Hein. Mais c'est pas assez. Le Forever Lock est vraiment une idée de génie. C'est que le trou pour insérer ta clé n'est pas visible. Il peut seulement être accédé, on peut seulement y accéder quand on vire le verrou d'une façon particulière, un petit peu comme un cube Rubik. Okay. Il faut que tu refasses une combinaison pour trouver le trou pour insérer ta clé. C'est bien drôle, ça. C'est quand même une bonne idée. Donc, c'est pas officiellement disponible sur le marché américain ou entre dollars américains, mais la personne qui a fait la vidéo qui est sur le site assemblagerequis.com les vend pour 140$ chaque. Ça a l'air cher, évidemment, pour un canot de vélo, mais vous allez comprendre, une fois que vous allez voir la vidéo, que ça a autant de sens, sinon beaucoup plus que de prendre un cadenas en U normal. J'aime bien ça. Impressionnant. Ensuite, ton livre préféré, où est-il dans ta maison en ce moment? Est-ce que tu as une bibliothèque? Est-ce que tu gardes tes livres sur une table? Sur une bibliothèque. Sur une bibliothèque? Non, sur une bibliothèque. Classique, quoi, c'est ça? Classique, très classique. Pourquoi faire autrement, tu sais? Pourquoi ne pas à la place s'asseoir sur tes livres? Mm-hmm. C'est une chaise qui s'appelle la Bibliochaise, une création de Nobody & Company. C'est une firme de design italien ou italienne. C'est fabriqué à partir de matériaux adaptés, voilà. De technologie de yacht haute performance. Donc, des yachts, c'est très, très solide. Donc, on a pris les mêmes matériaux pour faire cette chaise-là. Donc, évidemment, ça va être super cher. On n'a pas de prix parce que c'est toujours le cas quand c'est trop cher. Donc, la chaise peut tenir 300 livres. Et livres, là, on parle vraiment de livres, oui, L-I-V-R-E-S. Le bouquet. C'est de livres, de bouquet. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé, c'est la même appellation. Oui. Et non des livres. Et non le des poids. Livres, L-I-V-R-E-S. Oui. Aussi. LBS, mettons, tiens. Donc, tout ça en donnant à votre appartement, évidemment. Un look d'enfer. Un look de personne intelligente. Ben oui. On s'entend, c'est une chaise avec des livres, c'est pas parce que tu fais juste t'asseoir dessus. Ça, c'est lit aussi. Peut-être pas aussi. Donc, c'est ça, c'est sûrement super cher, mais la chaise est elle-même de très, très belle qualité, avec un petit peu de suède style sur le siège. C'est très beau. Ouais. Maintenant, on revient aux étuis iPhone. Cet étui-là va pouvoir vous allumer une cigarette. Enfin. Allumer votre bâton cancérigène. Donc, les étuis iPhone peuvent servir à peu près n'importe quoi, mais maintenant, Lighter Briquet, une autre fonctionnalité. C'est le Supernova iPhone Case qui contient un élément chauffant qui va être assez chaud pour, donc, allumer votre petit bâtonnet de cancer. L'avantage, c'est aussi que personne dans vos amis va vouloir voler votre briquet parce que votre téléphone. Ben oui, c'est ça. Hein? Fait que c'est sûr de te le faire redonner. C'est ça. Et c'est rechargeable via micro USB comme la plupart des gadgets. 35$. Pas trop pire. Pour un étui iPhone, c'est quand même pas super. Ouais. Tu sais, de nos jours, on peut payer de plusieurs façons. Bon, t'as PayPass, tu peux passer ta carte de crédit, tu peux quasiment passer ton portefeuille au complet sur le truc et ça va tout le temps fonctionner. La Near Field Communication sur les téléphones Android pour payer certaines affaires aussi. Donc, les paiements mobiles, c'est ce qui est à la mode. Eh bien, que diriez-vous de payer avec votre habit? Oh, un bouton de manchet. Ben, style, c'est vraiment intégré dans l'habit. Donc, faut que t'achètes l'habit au complet. L'habit, bon. C'est ça. C'est ça. C'est une compagnie d'habits quand même, donc ils vont pas te vendre un gadget qui va dans les habits des autres, là. Hein, ce serait trop leur demander. Donc, c'est le Taylor. Taylor, c'est un. Comment on appelle ça? Un fabricant d'habits. Ouais. MJ Bale. Donc, avec le Samurai Suit, c'est le nom de cet habit-là. Il y a une micro-puce PayPass PayWave de Visa. Okay? Donc, il est cousu à l'intérieur de la manche. Donc, essentiellement, ça change ta manche en carte de crédit ou en carte de débit, si on veut. Donc, on sait que tu es prêt à payer. Tu as juste à passer sur le cadran et t'as pas à trouver un gadget spécial. Ça marche avec la même technologie que la carte de crédit en tant que telle. Il y a 11 prototypes qui ont été fabriqués jusqu'à maintenant. Le dernier habit est en vente sur eBay aux enchères pour le bénéfice de la 4ASD Kids Charity, donc une œuvre de bienfaisance. MJ Bell prévoit incorporer cette technologie-là dans leurs habits après avoir fait un essai avec Visa et Heritage Bank. Donc, une fois que ce sera complété, peut-être un jour dans les habits et peut-être, justement, comme tu as dit, un bouton de manchette qui serait une bien meilleure idée. Sauf que tu peux le perdre. Tu peux le perdre. Ouais. Sauf que ça. Là, t'as pas le choix de mettre ton habit pour payer. C'est ça. Ou sinon, directement dans les boutons. Comme ça, tu te penches vraiment. Parfait pour les filles au bar. C'est parfait. J'adore ça. Est-ce que tu détestes les bactéries? Est-ce que t'es un genre de germophobe? Pas germophobe, mais qui aime ça? Qui aime? Tu sais, qui collectionne les bactéries? Qui fait comment? Viens ici, bactéries. Donc, si tu détestes assez les bactéries, tu vas peut-être vouloir une toilette qui n'est pas besoin d'être touchée. OK. Tu ne toucheras pas à ta toilette et ça fonctionne avec n'importe quelle toilette. Donc, c'est la compagnie Kohler. Donc, ils vendent un kit, un rétrofit kit à 100$ qui va rendre votre toilette, dans le fond, anti-tactile, si on veut. C'est comme le contraire de quelque chose de tactile. Donc, si tu veux ne jamais toucher à ta toilette, tu vas devoir... c'est ça, évidemment. Évidemment, tu vas toucher à ta toilette parce que tu vas t'asseoir sur la balle, quand même. Ça, faut quand même pas ambitionner. On va pas se suspendre dans les airs avec un système à la Mission Impossible, Tom Cruise, etc. Donc, un système activé par le mouvement va faire partir le mécanisme interne. Donc, c'est un genre de bras rotatif qui va simplement tirer sur la chaîne. La poignée elle-même peut être enlevée et remplacée par une couverture de trous. Donc, à la place d'avoir vraiment la floche, ça va être juste une pastille qui va cacher ça un petit peu. Et tu as même un autocollant qui peut être placé sur la toilette pour dire à tes invités chez toi, c'est là, passe ta main. Uh-huh. Un peu comme pour les machines à air qu'on sait tous que tu as passé la main devant. Mais il y a quand même le petit autocollant. Genre, passer ta main, recevez du bacon. Ouais. C'est la célèbre image, recevez du bacon. Un jour, peut-être que les toilettes nous fourniront le bacon. ensuite, on est toujours dans 5 minutes, ça ne devrait pas, on l'a, la chronique de gadgets inutiles. On revient au sleeping bag dont on a parlé tantôt, mais cette fois-ci, pas avec un ours, avec un chien. OK. Si tu fais du camping, tu amènes ton chien, tu laisseras pas ton chien au froid. T'es pas une personne cruelle. Mais non. T'as pas l'air à ça, en tout cas, je te regarde, t'as pas l'air d'une personne cruelle. Et il te faut le Barker Bag. Ah. Et ça existe, c'est disponible maintenant. Donc, si tu veux amener ton chien, c'est que tu prends ton... C'est ton... comme un kiss. C'est comme... un kiss de... T'es un petit... Un petit groupe de musique là avec des grosses langues, du maquillage d'en face. Non, un kiss de sleeping bag. C'est comme le petit chocolat à Hershey, c'est ça? Parfait. Le kiss. Hershey's Kisses. Donc, c'est ça, c'est comme une tumeur. C'est comme une tumeur, le kiss, c'est ça que tu voulais dire. Hein? C'est comme une tumeur de sac de couchage. Oui, exactement. D'accord. Et c'est exactement ça. En fait, ça fonctionne avec ton sac de couchage que tu as déjà. Et c'est une extension, vraiment comme un cancer que tu viendrais ajouter à ton sleeping bag. Tu as un compartiment évidemment pour toi, l'humain, et une extension qui va sur un côté ou l'autre. Et l'extension est aussi un col, un genre de collier pour garder votre chien attaché à votre sleeping bag. Pour pas qu'il bouge. Pour pas qu'il... Ben, c'est ça, si vous voulez kidnapper votre chien. Pour pas qu'il remonte. Donc, le Barker Bag est isolé et il y a un zip sur le côté pour votre sleeping bag normal. Il y a des zippers, en fait, des deux côtés pour attacher à deux sleeping, si vous le voulez. Le Barker Bag est en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. On demande un minimum de 69$ pour avoir votre propre Barker Bag. Mais ben. Et ça, un Barker Bag, non, ça ne vient pas avec un minuscule Bob Barker. Blinko! Eh bon. Merci. Maintenant, un cadran. On parle tout le temps de montre. On parle souvent de cadran aussi, mais c'est un cadran pour médicaments. On dirait que tu as des bonnes solutions pour les personnes qui ont à prendre des médicaments. Si vous ou un être cher oublie de les prendre. Il y a des systèmes d'organisation de pilules comme un MedCenter, etc., qui peut peut-être avoir que 4 doses pendant 31 jours, des trucs comme ça. Si le patient a des problèmes de mémoire, par contre, dans ce cas-ci, c'est que quelqu'un pourrait charger les médicaments dans le système d'organisation. Et dans certains cas, ça pourrait ne pas être assez. Ici, avec le Pill Reminder Talking Alarm Clock, tu n'auras pas à t'en faire. Ton patient va toujours se rappeler parce qu'il va y avoir un buzzer vocal. Okay. Qui va dire, bon, exemple, bon matin, veuillez prendre les pilules du 20e jour du mois. Bip, bip, bip. Hein? Donc, l'horloge peut avoir jusqu'à 4 reminders, 4 rappels par jour. Avec le Your Minder Personal Recording Alarm Clock, on peut enregistrer jusqu'à 6 messages qui vont rappeler à la personne de prendre ses médicaments, aller promener le chien ou autres tâches qu'ils ont à accomplir. Les cadrans coûtent $39.95 pour le modèle standard et $49.95 pour le modèle avec des messages personnels. Les Pill Minders, qui sont des modèles un petit peu moins évolués, sont entre 20 et 110$. Tout ça sur le site de MedCenter. C'est MedCenterSystems.com. Bon, quand même. C'est bien. Moi, je pensais qu'il fallait que tu insères, mettons, le 1 dans le... parce que si on regarde l'image sur assemblagerequis.com, t'as le genre de réveil et puis t'as plein de boîtes de pilules qui sont identifiées de 1 à 31. On dirait le banquier. Oui, quasiment. Mais moi, je pensais qu'il fallait, mettons, tu mettes le 1 dans l'alarme. OK. Puis là, ça fait comme... Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ça dit ce que la pilule est supposée être ou genre si ouais, médicament. Ça aurait pu. Mais non, l'idée du banquier, genre que t'aurais une case avec genre un montant d'argent dedans. Oui. Ton chèque de pension, c'est là seulement. À un moment donné. Je vais prendre le 21! Refusé! Ah! Wow! Tiens, t'es tanné de faire tout le temps congeler ton petit ice pack dans ta boîte à lunch. Ah, maudit que c'est fatigué. Là, ça va faire. L'ice pack, moi, je l'oublie au moins une journée sur deux. Le ice pack. Il te faut packet freezable lunch bag. Tant qu'à ça, tant qu'à avoir un ice pack, mets-le dans ta boîte à lunch au complet au congélateur. Hein? Tant qu'à faire. Tu sais, donc ça va garder vos boissons et votre dîner froid pendant 10 heures. sans perdre d'espace en mettant un ice pack. Évidemment, ça te fait perdre d'espace dans ton congélateur. Ouais. Donc, tu plies le sac, tu mets dans le congélateur toute la nuit, tu le remplis ensuite de nourriture, une fois enlevé du congélateur, bien sûr. Et évidemment, ça va garder tout ça au frais. Il y a les murs dans le fond de la boîte à lodge qui se sont remplis de gel. Il y a des fermetures à zip. Fermeture éclair pour embarrer le froid, l'air sec et tout ça. Et tout ça peut se clipser à un autre sac à dos ou à une poussette, n'importe quoi. C'est fait de tissu de polycanvas non toxique, food safe, donc la nourriture peut être touchée, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de PVC, de BPA, de phtalate et de plomb, il n'y a absolument rien de tout ça. Et c'est donc un sac réutilisable qui est disponible en plusieurs couleurs et patterns, donc différents petits modèles de pochoirs. Mais le sac, une fois qu'il est plié, il prend pas tant de place que ça. Quasiment la même grandeur qu'un ouais, gros ice pack. Ouais. Pas les petits qu'on aime bien, les gros qui gardent froid pendant genre 8-10 heures, ben c'est le but de la chose. Ouais. Non, c'est très bien, puis tu peux amener tout ce que tu veux. Il y a dans le sac ici, il rentre sandwich, carottes, hummus, croustilles, biscuits, chips. De l'eau de noix de coco, c'est dégueulasse. De l'eau de noix de coco? Non. Je pensais que c'était pour mettre dans les cheveux, ça. Peut-être. Je pensais. Un poster maintenant, une affiche qui joue de la musique quand tu y touches. C'est une idée de Beck, l'artiste musical. Donc, le poster musical jouable est vraiment différent de toutes les autres affiches que vous avez peut-être vues dans votre vie. Ça ressemble à un haut-parleur, mais il y a des boutons dessus. Et ça va jouer des chansons de groupes de musique sélectionnées. Donc, l'affiche a été demandée par Beck pour faire la promotion de musiciens locaux en Nouvelle-Zélande. Donc, le Beck Playable Poster utilise de l'encre conductrice. Et puis, certaines parties de la surface se sont liées à un haut-parleur plat à l'arrière de l'affiche. Et quand ça fonctionne, quand tout ça est utilisé, donc ça va faire que l'affiche devient un haut-parleur en elle-même, d'elle-même. Ça vient préchargé avec 10 chansons d'artistes locaux. Et puis, c'est présentement montré à plusieurs endroits en Nouvelle-Zélande. Je crois... J'étais pas prêt, mais je crois pouvoir vous faire jouer le son si vous me donnez 3 secondes. C'est bien le fun comme truc. C'est une très bonne idée, un très bon concept. Oui. Poster qui joue de la musique. Allons-y, on va entendre ça. L'extrait de différents bands. Évidemment, c'est pas Beck, là, parce que c'est Beck qui a demandé l'affiche, mais c'est pas sa musique qu'on va entendre là. C'est des artistes de la Nouvelle-Zélande. Écoutons ça un petit peu. C'est-tu quoi? J'avais pas regardé la vidéo, puis je pense que c'est Beck, la marque de bière. C'est la bière. C'est ça. Je m'excuse. We're ramping up our involvement in local music. In partnership with the Music Commission, we've initiated the new New Zealand Music Project, commissioning original songs from some of the country's freshest and most innovative bands and emerging recording artists. Becks and a panel of industry experts. C'est vraiment très, très Nouvelle-Zélande comme accent. C'est l'accent australien, mais ambitionnant. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo. Je trouve ça long un petit peu. Attention. Attention. Ici. Combining that with a flat panel speaker gave us the Becks Playable Poster. I'm a Becks Playable Poster. An exciting new interactive technology being used for the first time in New Zealand to connect you with new music. Beck's playable posters will be appearing on popular music street poster sites. Donc c'est ça, il y a plusieurs boutons dessus. Je sais pas si tous les boutons fonctionnent. Je sais qu'il y a un bouton play en bas, un bouton stop. Donc facebook.com/BeckSNZ. BECKSNZ. C'est très cool. C'est très bien fait, mais j'étais sûr que c'est l'artiste Beck. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Non, moi parce que t'as aucunement précisé dans l'article, puis j'ai pas vu la vidéo. Alors voilà pour ça. Maintenant passons à une bague. Tu sais, un jonc de mariage, JP. Oui. Apparemment que c'est très, très serré et difficile à enlever. Je savais pas, mais apparemment qu'il faut que ce soit vraiment serré pour que ça tienne bien chez l'homme. Donc, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais quand tu veux l'enlever, c'est plate un peu. Donc, on a fait un petit peu sur le système des montres avec les liens de métal. Oui. Donc, c'est le même principe, c'est qu'on peut désnapper le jonc de son doigt pour l'enlever facilement et le remettre et resnapper les bandes de métal comme sur une montre. C'est vraiment cool. Ça coûte 825$ chez McWinnie Design. C'est sûr que c'est super cher. C'est offert en 6 styles, différentes grandeurs. Et toutes les composantes sont mises à l'échelle. Donc, il n'y a pas de pièces partagées entre les différents mécanismes. Donc, si tu prends une d'une grandeur différente, tout est à l'échelle, plus petit. Ça maintient les proportions, la fonctionnalité et l'esthétique sur la lignée complète de leurs produits. Donc, c'est super low profile. C'est des McWinnie Active Wedding Rings. Bonne idée. Ouais, c'est bien. Je sais que t'aimes beaucoup les barbecues, JP. Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive fréquemment, une fois par semaine, je dirais barbecue une fois par an? Ben là, je suis rendu 2-2, puis je pense qu'on va manger ça encore ce soir. Aha! 3-3. Ben, si vous voulez savoir, suivez-le sur Facebook. Oui! Donc, pour savoir ce que vous faites griller, pour savoir où est rendu le niveau de grillitude, grillaison de votre grillon, j'imagine que tu manges sur ton barbecue. Et deux fois, le Agrill Mini, c'est donc des thermomètres qui communiquent via Bluetooth avec une application sur votre téléphone. Ça vous envoie une alerte lorsque la viande est rendue à votre niveau préféré de cuitaison, si on veut. Donc, il y a des paramètres préinstallés pour différentes sortes de viande que vous faisiez fumer des côtes levées ou griller un steak. Vous allez savoir instantanément quand votre nourriture est prête à manger. Et avec 150 heures de durée de vie de la pile et la possibilité de l'attacher magnétiquement à votre grill, le petit gadget, le Agrill Mini, vous allez toujours pouvoir vous fier dessus. Ça coûte 40$. Mm-hmm. Pour vrai, ça m'a l'air d'un bon investissement pour quelqu'un qui fait du barbecue et qui ne veut pas avoir à rester tout le temps à côté du barbecue. Non, c'est ça. C'est bien. Puis pour être sûr de pas rater ta cuisson. Et voilà, pour les gens qui sont pas très bons au barbecue, parce que tu es rendu maître. Maître du grill. T'es un master chef. Mais ben, je parle pas Steven Racklin. C'est qui ça? C'est le maître du grill. Ah oui? Ouais. Ah, je le connais pas. Il s'appelle-tu Racklin comme un rack non, dans le grill? Non, c'est Steven Racklin. Racklin? C'est ça. OK. C'est ça. OK. Est-ce que t'aimes te promener dans la pluie avec des bottes d'eau? J'aime me promener dans la pluie avec mes bottes d'eau. Mes bottes de feu. Oui. Ben, ça dépend. Tu chantes sous la pluie. Tout le temps. Tout le temps comme jean. Puis sinon, c'est dans la douche. Voilà. Ben, tu voudrais peut-être porter des souliers bottes d'eau. Parce que tu sais, des bottes d'eau, ça monte pas mal haut. T'sais. Et quand tu veux sortir, tu vas avoir l'air un petit peu moins zouf qu'avec tes grosses bottes. Qui montent jusqu'aux genoux. C'est ça. Ben, à la place, tu vas avoir des souliers bottes d'eau. C'est vrai. Ben oui. Père, des bottes d'eau, mais en forme de souliers. C'est le fun. Donc voilà, c'est par la compagnie. C'est les Hunter Dilton Sneakers. On peut donc se promener dans la pluie sans avoir à s'en faire pour le look trop. Donc, c'est fait de caoutchouc naturel et de trucs élastiques. Peu importe les termes, je connais pas trop ça, mais ça a tous les avantages météorologiques des grosses bottes d'eau. Ouais. Sans être aussi lourdes aussi. Faut pas oublier le fait que c'est lourd, des bottes d'eau. Plusieurs couleurs desquelles choisir. Ça coûte 115$. Oh, bon. Vas-y, c'est un peu cher. C'est quand même cher. C'est un peu cher pour des souliers. Surtout que c'est des souliers qu'on va porter seulement lorsqu'il pleut. Ouais. Quand est-ce qu'il pleut? Je veux dire, on n'est pas au Royaume-Uni où il pleut tout le temps. Quand il pleut, quand il pleut et que tu veux sortir. Parce que sinon, tu peux mettre tes bottes d'eau que tu as déjà. Juste ça. Tu sais, t'es capable de marcher avec des bottes d'eau. Sinon, c'est tes gougounes. Et voilà. Tant pis pour les pieds mouillés. Ça va sentir le petit chien, ça, le petit chien. Ensuite, tiens, ça. Quand t'arrives, tu sais, tu reviens de dîner. Là. T'es allé dîner à la chasse-galerie prendre un merveilleux sandwich d'olive et papaye. Comme toujours. T'arrives, tu reviens au bureau. T'as une réunion. Plus t'arrives, tu vas faire tes besoins aux toilettes. Tu fais un gros sourire dans le miroir parce que tu veux te le trouver. Bang! Tu vois que t'as quelque chose entre les dents. T'as quelque chose entre les dents, dude! Puis personne te l'a dit. Personne, parce qu'il y a personne qui te respecte assez pour te le dire. T'sais, moi, je respecte les gens assez. T'sais, quand je les connais, je fais comme, hey, tu sais, quelque chose entre les dents. C'est une question de respect, ça. Parce que fait que là, j'enlève mon dentier. C'est ça. Tu nettoies. Je te passe dans l'eau. Un petit peu de polygrippe pour réattacher ça. J'attache avec une ficelle, puis je flush une coupe de fois. Tu le passes au vinaigre. Oui. C'est toi, t'inquiète, à chaque jour, bien chaque sûr. Chaque jour. Bref, il te faut ce superbe gadget qui s'appelle le Smile Saver. Hein, le Smile Saver. Donc, la prochaine fois, tu vas avoir besoin de te regarder la face. C'est un miroir format de poche qui emmagasine à l'intérieur même du gadget 10 cure-dents de plastique. Ah, ainsi qu'un cure-dent en acier inoxydable pour les jobs heavy duty. On va se dire, les grosses jobs, là, ça a besoin de marteau piqueur, ça, là, en acier inox. Donc, le Smile Saver coûte 11$ américains. C'est disponible chez Unikia, donc unikia.com, pour trouver ce kit. C'est vraiment laid, pour vrai, par contre. Oui, c'est affreux. Sérieusement, t'as l'air de quoi quand t'arrives au bureau et tu sors ton Smile Saver? Puis les couleurs sont... Tu sais, c'est un genre de bleu poudre. Oui. C'est pas très beau. Non. Puis je vois pas pourquoi il y en a juste 10. Pourquoi il y en a pas mis 10 en métal? Oui. Ou juste une en métal? T'as pas besoin... Hey, je veux dire, c'est quoi? Tu vas mettons y mettre au lave-vaisselle à la fin de la journée, c'est quoi? Mettons deux si t'es lave. Si t'es lave. Mais non, je sais pas. Puis, tu sais, en métal, là, je voudrais pas me mettre. Tu sais, imagine sur un plombage ou. C'est vrai. Tu sais, qu'est-ce que tu veux enlever avec un bout de métal? Il y a qui aiment la steak, sensation. Genre, un gros bout de steak. Si tu veux te faire un shish kebab avec tous les déchets dans tes dents. Bon, ben, il y a quelqu'un qui fait des brochettes. Tu mets ça, c'est le barbecue. Tu mets le grill mini collé oui, sur le côté. Direct. Oh, wow. Ton application pour savoir quand c'est prêt. À la base, Mathieu, quand j'ai regardé l'image, je pensais que c'était un cover de iPhone. Ah, ça je trouvais l'idée géniale. Tu sais, mettons un petit cover avec un miroir. Puis à l'intérieur, il y a quelques cure-dents, mettons. Ce serait pas une mauvaise idée. Je pense que ce serait même une pas mal meilleure idée que ça, en tant que tel. Parce que garder ça dans ta poche, c'est trop gros, c'est trop large. Mais ce serait parfait aussi pour te faire une ligne de coke. Fait que, t'sais, ah, c'est ça. Ça aurait fait des pailles. Ah, voilà. Ah, voilà. C'est double usage. Opportunité ratée d'avoir mis 10 cure-dents. Bon. Voilà pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ah. Yeah! C'est merveilleux. Mon achat du jour, Mathieu, oui? Ça va être le cover iPhone. Que je trouve génial. Avec le rince-bouche? Non, plusieurs. Non. Celui qui met quand un message. L'icône. Oui. Parfait. Je trouve ça très cool. Génial. Moi, je sais plus. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Je sais pas. Peut-être... je sais pas. On dirait qu'il n'y a rien qui m'intéresse cette semaine. Ben, écoute, ça se peut, Mathieu. Tu peux garder plus d'argent pour la prochaine fois. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais. Donc, c'est spécial de répondre là. On fait ça chaque semaine à Assemblage Requis. Tantôt, il nous reste encore, dans la prochaine demi-heure, qu'est-ce que j'avais de prévu pour vous? Je pense que j'avais les instructions d'assemblage qui s'en viennent plus tard. Super. Ouais. Mais pour l'instant, on retourne en musique. On s'en va entendre une autre pièce du palmarès. Bien sûr, les pièces qu'on n'a pas entendues dans l'émission, les palmarès, c'est fou cette semaine. Est-ce que tu as une suggestion pour moi? Si ça te tente d'avoir quelque chose, je pourrais te demander ça. Elle va vite de même, t'as tellement du goût. Une personne de goût. Je suis tout en train de les lire, mais écoute, on peut y aller avec Jacques Mort. Jacques Mort. Est-ce que Mort. Ça te tente? Ah, je l'ai joué tantôt, je m'excuse. Ah! Oh, je m'excuse, je suis numéro 1 sur un cours, c'est pas grave. Gars, je vais juste te faire jouer du manche douce manche, puis on va être content. Ben, ça aurait été la prochaine d'accord. Que je t'aurais dit. Tu vois, je te vois. Je te vois venir. Je te vois venir. Tout le temps. Vraiment. Tu vas venir tout le temps. J'ai trop, en fait. Tu pourrais te retenir un peu. Moins venir. Cockring. on parle rarement de Cockring. Nuit blanche. Ah tiens, parlant de Cockring. Nuit blanche. Ça va te faire durer plus longtemps. Mange versus mange tout de suite. Ça, c'est fou. Oh. Puis on va écouter ça chacun en mitoufil dans notre joli sleeping bag ours. Ours. Pas avec un cancer pour chien. Pas un cancer pour chien. C'est un assemblage requis. Une mission pertinente à souhait. Wouf, wouf. C'était une fête, c'était tellement fantastique. Maintenant pour être honnête, c'est dur pour le physique. J'ai toujours le problème, je ne veux jamais arrêter. C'est magnifique quand même, surtout pendant l'été. On a toujours des fêtes avec des invités. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, quand tu vas avancer. Oui, c'est excentrique. Je dis vive la fête pour être héroïque. Mais qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde est fatigué. C'était très amusant et les gens, ils veulent rester. Ils n'aiment pas le potage, ils n'aiment pas le café. Ils ne pensent jamais arrêter, ils veulent toujours continuer. Après, c'est tellement grave, les gens le regrettent. C'est comme les marécages, donc quand tu vas avancer. Et moi j'ai pris ma tête dans mes mains et j'ai pensé. Pourquoi j'ai fait cette fête pour tous ces invités? Tous les jours des fêtes, oui c'est excentrique. Je dis vive la fête pour être héroïque. Héroïque. Mange, l'ours mange et nuit blanche. Moi, je sais pas pourquoi. J'allais faire miam miam miam pendant que tu parles. Ok, parfait. Moi, ça me rappelle la chanson de Dr. Mario. Je sais pas pourquoi. J'ai aucune idée pourquoi. Attends, on va écouter ça. On va plus vite. C'est vrai, hein? Je suis pas capable de chanter les paroles. Hein. Bon, au retour, les instructions d'assemblage. On va vous dire comment matcher le bleu et le rouge des pilules avec le jaune. Comme dans Dr. Mario. Est-ce que t'as déjà joué à Dr. Mario? Non. C'est dur. C'est frustrant. Ah, c'est fun. Mais t'as-tu fini? Hein? T'as-tu fini? Tu peux pas finir ça. Ah, ça se finit pas. Y a pas de fin. C'est comme Tetris. As-tu déjà fini Tetris? Ben oui. T'as déjà fini Tetris? J'ai déjà fini Tetris à terre en train de piétiner. T'as fini Tetris post-coïtale? Le rappel de King Sexton, tantôt la tristesse. Oui. T'es triste. T'es triste. Ouais. J'ai fini Tetris. T'es-tu encore fâché, Mathieu? Non, non. T'es triste. Ah, oui, non, non. T'es en feu, toi. T'es en feu. Restez là. La radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! We'll be right back. palais de mélamine. De mardi noir. Oh oui. JP, avant de nous quitter, tu nous quittes dans une dizaine de minutes environ? Oui. Mm-hmm. On a le temps pour un petit Tu manges mon cœur. Un petit. Miam. C'est Tu manges mon cœur, la chronique des coups de cœur, oui, des co-animateurs d'Assemblage Requis. Et cette fois-ci, c'est pas mal juste toi, Jean-Philippe, parce que t'as quelque chose de tellement bon que ça va compenser pour moi, j'imagine. Ben, écoute, tu peux essayer, on renchérira, Mathieu. OK. Puisque, en fait, t'es au courant de ce que je vais dire, mais sans le savoir. OK. Au courant, sans le savoir. Bientôt, sur les ondes. À quelle vie? Non, mais en fin de semaine, je pense que t'as vu passer nos photos. Dimanche, je suis allé souper au casse-croûte chez Archie. Oui! Ah oui! Donc, j'ai le goût de parler de mon expérience au restaurant chez Archie. C'est à Yamachiche. Donc, c'est pas... À Yamachiche. Archie. Donc, oui! Archie! Donc, c'est pas très loin. Je pense que ça doit être une 10-15aine de minutes, le gros max. Donc, boum! Mange mon cœur. Coup de cœur. Boum! Donc, c'est ça. Écoute, c'est un petit casse-croûte. C'est minuscule. C'est pas très gros, mais pour ceux qui voudraient savoir c'est où exactement, c'est 821 rue Sainte-Anne, Yamachiche. OK. On y parvient. Par où je suis passé? Notre-Dame. Pieds aux yeux. Oui. Que votre nom soit sanctifié. Oui, j'ai pris le bord de l'eau vers. Mettons qu'on part de l'université. Qui est pas moi le bord. C'est par là-bas. Ouais. On est enfermé ici. Donc, le bord de l'eau du fleuve, direction le pont. Tu sais, tu traverses pas le pont, mais tu passes en dessous du pont puis tu continues tout droit. OK. Puis, il me semble que tu y arrives direct quasiment. Là. Donc, c'est vraiment pas compliqué de se rendre là de Trois-Rivières, là, pour ceux qui sont à Trois-Rivières. OK. Donc, c'est ça, rue Sainte-Anne. Petit casse-croûte. Tout est fait maison là-bas. Le gars, le propriétaire, j'imagine, ce qu'il nous comptait, c'est que la seule chose qu'ils font pas maison, c'est les saucisses à hot dog. Ah non. Hot dog. Puis le pain, là, mais tu sais. Le pain. Ouais. Mais tout le reste, c'est fait maison. Moi, j'ai mangé un sandwich au smoked meat. Ah, miam. Délicieux. Il s'est fait d'autres. Il s'est fait un club poutine. Mm. Délicieux. Mm. Également, la salade de choux est très bonne. Okay. Oui. Et puis, il y a vraiment. Tu peux manger ce que tu veux, Mathieu. Il y a tellement de choix. Là. Tu sais, c'est très casse-croûte. Ça a un look familial. Je suis pas sûr que ça le soit. Mais, tu sais, ça a un look. Tout est homemade, là, spaghetti au smoked meat. Ça a l'air que les poutines sont excellentes. Comme la poutine traditionnelle, OK, là, mais il y a plusieurs sortes de poutine aussi là, à essayer. Mais est-ce que, parce que bon, là, tu as parlé de la nourriture. Frites maison. Ah, j'imagine, oui. Tu as parlé de la nourriture. Faut dire que l'ambiance, c'est archi les bandes dessinées. Oui, okay? Mais c'est très vintage. Ouais. C'est très vintage. Quand tu rentres, tu as des personnages d'archi partout. À l'intérieur, je dois avouer que la seule. C'est très vintage à l'intérieur. T'sais, c'est vraiment la cantine, on dirait comme. Une vieille cantine. Un peu comme la belle province dans le coin, peut-être, un peu? Non, plus différent. Okay. Vraiment plus cantine familiale, je dirais. Il y a une vieille télé là, avec des oreilles de lapin. Là, oh, wow. Quasiment tout, avec l'écran, là, on dirait plus petit qu'un iPhone. Là. Mais qui marche, là, et il écoutait TVA. Là. Dessus. Ça gâche tout, mais bon. Oui, mais bon, c'est peut-être le seul poste qu'ils peuvent pogner avec cette télé-là. Non. Et puis, il y a plusieurs articles de Archie, des morceaux de revue, des gags genre de Archie. Des panneaux de bande dessinée, mais est-ce que les noms des produits, mettons, est-ce que tu peux te prendre, genre, je vais te prendre un Véronica, mettons, c'est un frappé. Non, c'est dommage, ben, j'ai pas mangé de crème glacée, donc peut-être les crèmes glacées, mais ça aurait été. Ma petite déception, c'est que le concept n'avait pas été poussé jusqu'au bout, ouais. Comme la poutine Archie, avec tous les personnages. donc, c'est vraiment juste décoré très Archie, on mange très bien, mais il aurait pu pousser Moi, j'aurais poussé l'audace là, jusqu'au bout. Il aurait pu pousser, puis la toilette aurait pu porter le nom de Archie, puis ici artiste, puis tu sais, il aurait pu faire ça, mais ils l'ont pas fait. Archie ici, c'est ça. Ouais. Ça serait de mauvais goût, on la fera pas à la radio. Ben non, quand même pas. On va essayer de sortir nous autres. Mais non. Donc voilà, vraiment un petit casse-croûte. Si vous passez dans le coin de Yamachiche, là, c'est très le fun. Un petit souper léger. Ben, peut-être pas léger, là, mais. Non. Un petit souper vite fait là, avec des amis ou en famille, là, ben belle fun. Fait que 821 rue Sainte-Anne à Yamachiche. Ah, le restaurant, le restaurant Archie. Archie. Ah, ça doit être rempli d'illégalité et d'aucune permission pour utiliser les personnages. Fait que... Non, c'est la première chose que je me suis dit. Mais là, je me suis dit, l'ont-tu écrit comme un peu différemment? Puis non. Non. On n'y sera pas avec ça. Fait que j'ai mis des photos de moi-même sur ce... avec Archie. Jean-Philippe Desbois, Charbonneau. Archie. Ouais, c'est ça. Allez Archie. Voir. Est-ce que t'es Betty ou Véronica? Je suis plus Betty. Ah oui? Je pense. Moi, Véronica. Il faudrait que je vois. Je fais noir. Ouais. Voilà pour Tu manges mon cœur. C'est juste toi qui t'en vedette aujourd'hui, mais parce que tu t'en vas, puis il faut qu'on arrête là. Ben oui. Fait que. Ben puis j'ai faim. J'ai envie d'aller chez Archie. Tellement. Ah. Sico-pico-pico Archie. Sico-pico par là. Merci, JP. Ouais. Bonne semaine. Mais merci, toi aussi, à la semaine prochaine. Je vais venir faire des tours comme ça. Ouais, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est jamais rien de clair. Même chose pour Stéphanie. Ceux qui se le demandent, où est Stéphanie Paradis? Les deux vont être là. Sachez-le. Sarchi-le. C'est ça. Sarchi-le, notre formule Archi-le. Non, mais on va les voir ponctuellement à Assemblage Requis. Pour ceux qui sont pas dans la pub, pour ceux qui se la demandent aussi. Voilà. Voilà, nous, on va arrêter quelques instants. Après ça, on va revenir avec une dernière heure d'Assemblage Requis. Ça va être bien fun. Toujours dans le petit bois, toujours avec les petits oiseaux. Donc, une troisième et dernière heure d'Assemblage Requis. Là-dedans, il va y avoir les instructions d'assemblage. Donc, tu vas manquer la chronique de conseil. Tu vas aussi manquer... j'avais dit qu'on faisait le courrier des requins. Est-ce qu'on fait ça, là? On a le temps. Oh, on peut rire. Oui, rapidement. Je vais se embarquer, là. On va y aller. Ah, oui. C'est vrai qu'on a dit qu'on faisait ça. C'est vrai que c'est sérieux, tout ça. On va se mettre un petit peu plus sérieux. Attention. Oh oui. Donc, on a reçu du courrier de nos requins, nos auditeurs préférés. Vous savez, vous êtes one des requins. New mail. You've got mail. One new message. Pour entendre votre nouveau message, faites-le 1-1. Donc, on a reçu, premièrement, une conversation le 27 mars dernier via Facebook d'un certain Alexandre. Évidemment, j'ai barré les noms de famille. Mm-hmm. Donc, Alexandre me dit, tu plantes, comme tu plantes, si tu plantes, mais tu plantes, pas d'agression, si tu plantes, c'est bon. Tu plantes, je dis, rarement. Lui de répondre, du pot, j'espère. Moi, je dis, ah non, désolé. Il dit, je niaise, lol, je dis n'importe quoi. Moi, je réponds, au moins c'est drôle. Lui, il me répond, lol. Il cherchait, tu plantes. Pourquoi tu viens juste niaiser? Tu viens voir quelqu'un sur Facebook, tu demandes si tu plantes. C'est parce que c'est marqué dans mon nom. C'est parce que c'est ça. Oui, je suis plante, mais je suis pas plante. Je suis un autre plante. Ça n'a pas rapport. Moi, je suis pas du char de la bonne eau. C'est ça, exactement. t'es pas Jean-Philippe le cure-pipe. Non, c'est ça. Une autre conversation, la même genre, mais un petit peu plus exhaustive. Le 4 janvier dernier, via Facebook, c'est un certain Mario qui m'écrit. Il me demande, Mathieu Plante, si tu veux administrer comme un pot de couille, t'es bien parti comme ça. Lèche-cul de Angers, toi aussi, pauvre con. Wow. Moi, d'y répondre, haha. Ce sont de très belles insultes remplies d'énormément de classe, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Lui de répondre, Centre-ville, Shawinigan, c'est ta page. Moi de renchérir, non, pas du tout, mais c'est pas grave, c'est très drôle quand même. Mario de répondre, bien, moi je la trouve pas drôle du tout, chier sur le monde en arrière de la page Centre-ville, Shawinigan, c'est facile quand on se cache en arrière d'une page. Les personnes qui m'ont donné ton nom, comme administrateur pourraient te surprendre. Donc, t'as pas le courage de tes opinions. Normal quand on agit comme une lopette. Wow! J'y envoie. Ha ha ha! Aïe aïe! Tu sais qu'il y a plusieurs Mathieu Plante dans la région? Cherche-le donc comme faux. Mario de répondre. Où tu travailles? Mathieu, moi, de dire. Pas à Shawinigan, en tout cas, je suis de Trois-Rivières. C'est juste pas moi, OK? Mario me répond. Si tu veux faire des pages sur Facebook! Et tu veux rien savoir sur la liberté d'expression sur un article de journal? Ferme ta page au lieu de faire chier le monde. Point. Wow. Et moi d'y répondre, facebook.com/ est le nom d'utilisateur de la personne qui n'est pas ce Mathieu Plante-ci, mais un autre. Que je vais évidemment taire l'adresse. Oui, le nom. C'est fabuleux, hein? C'est fabuleux, Mathieu. Ben, il m'en arrive pas, t'es comme ça. Non, et non. Il m'a rien écrit après ça. Il était parti sur « Oh là! Outrage! » Mais quand j'ai dit le nom, là, il s'est fait mal ailleurs. Mais tu sais, Mathieu, ce que tu pourrais faire, tu pourrais y refaire la même chose. Suis-toi! Parce que Mario là, X. Oui, c'est ça. Puis là, faire je sais pas. Fait que c'est toi qui es parti des blagues au non, Mexique. Mais... Hey! Tu sais, parce que là, il me traitait de lopette, de sans-couilles, de gars qui varge contre la liberté d'expression. Hey, faut pas comprendre le fait que je suis pas le Mathieu Plante. Mais moi, ce que j'aime bien les gens qui Tu sais, il y a même pas genre, est-ce que tu viens de Shawi? Non, tu sais, il confirme pas la présence. Est-ce que c'est le bon avant de... C'est ça. Mais c'est parce que c'est quelqu'un, comme il a dit, hein, c'est les personnes qui m'ont donné ton nom. Ben oui. Tu sais, l'accord ici est parfait. Oui. Quelqu'un lui a refilé mon adresse comme sans aucune recherche, comme de quoi que j'étais le gars qui était sur une page de Shawinigan. Je sais même pas c'est laquelle. Je pense que j'ai dit le nom de la page tantôt. Je veux dire, allez pas insulter ce gars-là qui est propriétaire de cette page-là. Vous allez peut-être comprendre le lien de qu'il s'appelle aussi Mathieu Plante. Ben oui. Mais non, ça m'a fait bien rire. Ben oui, quand même, hein. Et ça faisait longtemps que je le gardais pour vous en parler depuis le mois de janvier. Ah! C'est ça, c'est bien l'été, on a le temps. Oui, mais tu sais, c'est ça. Quand, mettons, moi, je croise quelqu'un dans la rue, puis il a l'air d'un Steve. Oui. Puis moi, il y a un Steve qui est, je sais pas, là, il a fait pisser son chien sur mon gazon. Ah oui, hein. Ouais. Là, je commence à l'insulter. Là, c'est toi, Steve! Il l'appelle? Oui, c'est ça. Liberté d'expression, blablabla! Wow! Ah, wow. Wow, Mathieu, t'en arrives-tu souvent des affaires de même? Fréquemment. Wow! Trop souvent, en fait. Ah, moi, ça m'arrive pas. Si ça m'arrive une autre fois, j'en reparlerai. Mais rajoute un middle name complètement inventé dans ton nom. Ça marche. Ah oui! Comme, ouais. Moi, j'ai rajouté des bois, là, puis j'ai la paix. J'avoue, je pourrais être quoi, moi? Tu pourrais être The Wood. The Wood. Mathieu, le trépied. Le trépied. Oui, le tripode. Le tripode. Voilà pour le courrier de nos requins. Ah, merci les requins. Alors, envoyez-nous-en du courrier comme ça nous divertit pas mal. Oui. Ah, on avait dit que c'était la fin de cette heure précise des palmarès d'assemblage requis. Pardonnez-moi, c'est la case horaire qui me confond comme ça. On disait que Jean-Philippe, tu nous quittes jusqu'à la semaine prochaine. Nous, on vient avec les assemblages tantôt et d'autres choses. La dernière heure va être bien remplie, mais juste de moi et vous. Donc, soyez-y. Assemblage requis revient dans 2 minutes. Bye-bye. Bye. La radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bonjour, c'est la troisième et dernière heure de l'édition estivale d'Assemblage Requis, bien sûr. Moi, c'est Mathieu Plante. Dans cette dernière heure, les instructions d'assemblage s'en viennent. On va vous dire un petit peu comment mieux vivre. Il y a ça et plein d'autres choses qui s'en viennent pour les 55 prochaines minutes environ jusqu'à la prochaine émission qui, en passant, est le jeudi soir. Rock Révélé qui va commencer sa saison estivale, comme tous les étés, dans quelques minutes, donc à 18h. Si vous écoutez le samedi où on joue entre midi et 16h, enfin entre midi et 15h pour Assemblage Requis, après nous, ce sera les palmarès, c'est fou. Et après ça, les précieuses ridicules. Et finalement, les lundis, on passe entre 14h et 17h. À 17h, les palmarès, c'est fou. Et à 18h, raconte-moi ta ville. Voilà pour la programmation. Mais avant ça, on continue en musique. On s'en va entendre une pièce du côté francophone parce qu'on on a joué les palmarès c'est fou anglophones cette semaine. Donc, du côté franco, j'ai envie d'aller entendre Mordicus et la pièce Ma Grande Gueule. Ça s'en vient dans quelques instants. Assemblage Requis. Pendant que les oiseaux nous chantent quelques petites chansons. Oh, qu'ils sont-tu fins? C'est tellement docile, ces bêtes-là. Hein? Ça genre juste quand tu le demandes. Quand tu l'as dit d'arrêter, il arrête. Pratique de même. T'sais. Dans ma grande gueule, tu peux parquer ton char, j'ai de la place en masse. Dans ma grande gueule, toute la planète peut y prendre place. C'est là où les rêves deviennent réels. Dans ma grande gueule, on s'en va découvrir. C'est un lycée scandinave. Dans ma grande gueule. Wow! Mardicus, je mélange avec mardi noir. Mardicus, ma grande gueule, position numéro 6 du palmarès francophone. Vous êtes à l'assemblage requis, l'émission estivale en pièces détachées. Et on continue avec les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ah, ben t'as rangé ça. Moi, c'est les instructions d'assemblage. On vous présente quelques façons de mieux vivre votre vie. Et aujourd'hui, j'ai trouvé des conseils pas mal intéressants, des conseils un petit peu plus expliqués que d'habitude. Commençons, mollo, avec la façon de donner une excuse. Quand vous avez à vous excuser, l'excuse parfaite est en trois étapes. Première étape, je m'excuse. Hein, déjà, juste avouer ses torts. Hein, c'est quand même pas pire. Deuxième, c'est dans le même ça suit d'admettre ses torts. C'est ma faute. De dire que c'est ta faute quand t'as vraiment la faute. Et numéro 3, qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses avec toi? Donc, en trois parties, la plupart des gens oublient la troisième partie. On dit tout le temps, je m'excuse, c'est ma faute, mais on dit pas qu'est-ce que je peux faire pour arranger la situation. Ensuite, une petite façon de voir les choses, cute quand même, un mauvais repas ne va pas te rendre gros. Faut retenir que juste manger un Big Mac avec des frites, ça va pas te rendre gros. C'est si tu le fais trop souvent que ça va devenir mauvais pour toi. Même chose de l'autre côté, un seul bon repas, genre une salade, ça va pas te rendre maigre. Il faut continuer et suivre un style de vie. Voilà. Ensuite, j'ai ici sur lifecheating.com quelques trucs de médias sociaux que vous ne savez peut-être pas. Sur Facebook, tu peux changer une photo de profil en emoji. Emoji, c'est les petites icônes style japonais, les bonhommes sourire, les trucs comme ça. Il y en a plein, un petit pouce en l'air que tu peux utiliser dans ton chat. Par exemple, tu pourrais taper, exemple, crochet-crochet. Ça, c'est les parenthèses carrées. Là. Donc, crochet-crochet, Vin Diesel, crochet-crochet. Ça va changer en photo de profil de Vin Diesel. Donc, tu tapes ton nom d'utilisateur, sandwiché entre deux crochets doubles, et tu vas entrer ça dans le chat et ça va faire un emoji personnalisé. Ensuite, je sais pas, il y en a plusieurs autres que je vous ai laissés sur assemblagerequis.com. Il y en a qui ont rapport avec Foursquare et d'autres réseaux sociaux que ça ne tente pas trop de faire le top au complet, mais je trouvais que celui-là était quand même intéressant. Ensuite, tiens, une petite vidéo sur incrediblethings.com que j'ai trouvé vraiment intéressante cette semaine. On va l'écouter ensemble. Je vais vous la décrire parce que c'est évidemment une vidéo, donc vous verrez pas les images, même si l'image et la musique est bien, bien bonne. Donc, c'est le top des hacks pour le bureau. C'est des hacks plus de nourriture pour le bureau. Par exemple, tiens, changez votre sac de chips en bol en poussant l'intérieur du bas du sac vers l'intérieur du sac et ensuite en continuant de le faire. En poussant le dessous du sac vers le haut, ça va faire un bol à chips. Hein? Ensuite, comment garder vos chips au frais avec un crayon? Donc, prenez votre bol que vous venez de faire, remettez-le en forme de sac et insérez le bout d'un crayon, donc le capuchon d'un crayon, sur le sac et ça va faire comme une clip. Insérez donc le capuchon avec le crayon. Mettez un élastique autour de votre pomme coupée en quartier pour garder votre pomme fraîche et l'empêcher d'être touché par... Je vais l'arrêter un petit peu pour quand même pouvoir traduire. L'empêcher de se faire toucher par l'air, donc l'élastique autour de la pomme coupée en quartier. Quand vous enlevez un quartier, l'élastique va se rétrécir et va tout le temps garder votre pomme coller les tranches une contre l'autre. Ensuite, faire bouillir un œuf dans une tasse de café. Évidemment, il faut que la tasse de café soit extrêmement chaude. Donc, on insère l'œuf dans la tasse de café extrêmement brûlante et là, l'œuf va absorber le café et vous allez pouvoir ensuite enlever la coquille et savourer votre œuf. Ensuite, pour faire mûrir des avocats plus rapidement dans un sac brun, donc mettez votre avocat dans un sac brun avec une pelure de banane. C'est bien ça, je vais juste reculer pour être sûr, avec une pelure de banane dans le sac et ça va faire que votre avocat va devenir mûr plus rapidement et mangeable. Donc, excellent. Évidemment, on ferme le sac le sac brun. Ensuite, mettez votre nourriture en cercle dans votre assiette pour la mettre au micro-ondes. Évidemment, vous êtes au travail, vous avez votre repas à faire cuire, quelqu'un vous attend. Mettez-la en forme de beigne. Ça va cuire beaucoup plus uniformément. Ensuite, mettez des étages avec des tasses dans le micro-ondes. Donc, par exemple, ici, on met une tasse et on surélève une assiette avec, mettons, je sais pas, du Kraft Dinner. Et de l'autre côté, on a un bol avec d'autres nourritures qu'on met en bas au niveau juste de la plaque normale de vitre du micro-ondes. Et en ayant sur les deux niveaux, vous allez pouvoir économiser de la place. Vous n'aurez pas à mettre les deux objets côte à côte, ce qui fait que ça ne rentre pas souvent sur la plaque de vitre. Ensuite, le gars fait des miettes avec sa barre. Tu sais, les barres tendres Nature Valley qui ressemblent un petit peu à du contreplaqué, du plywood. Donc, mettez-les dans une assiette au micro-ondes pour avoir moins de miettes et avoir un meilleur goût. Donc, vraiment pas trop longtemps au micro-ondes, quelques secondes à peine, et ça devient mou et facile à manger. Et là, on voit que son clavier est complètement libre de toute miette. D'user, bon, évidemment, celui-là, c'est un classique, là, de prendre un rack à CD ou à DVD que vous avez acheté pour mettre vos bagels. Là, ici, on voit un gars d'une circonférence quelconque prendre 4 de ces bagels-là et les mettre dans un grand spindle de genre 100 DVD. Ensuite de ça, tiens, utilisez votre... votre tasse pour amplifier le son sortant de votre téléphone cellulaire. Donc, évidemment, encore une fois, un classique assez, mais on met le téléphone dans la tasse, on monte le volume et tout va bien. Voilà, c'est pas merveilleux, ça. C'est un petit top de incredibletings.com via, en fait, c'est Foodbeast sur YouTube qui a sorti cette petite vidéo-là. Foodbeast, un site de nourriture. C'est pour ça qu'on disait que c'était des food hacks. Donc, toujours dans les instructions d'assemblage, retournons à nos bons vieux articles de l'autre côté de la console. Ici, c'est des conseils pour passer une meilleure nuit. Chaque matin, souvent, on se réveille, on fait notre routine. Ça commence avec un cadran, évidemment. La plupart des gens aimeraient se débarrasser de leur cadran et se réveiller de façon un petit peu plus naturelle entre deux cycles de sommeil ou dans un cycle dans une phase moins profonde de votre cycle de sommeil. Ici, à la place d'avoir de la difficulté le matin, on se réveillait avec tout plein d'énergie et qu'on avait l'impression de pouvoir affronter la journée, tout ce que la journée a à nous offrir comme obstacle. Donc, voici quelques conseils. Le conseil numéro un, c'est de se déconnecter, bien sûr. Donc, un de nos plus grands amis, c'est la technologie. Mais avant de dormir, on doit s'assurer de tasser la tablette, le téléphone intelligent avant de se coucher. Ça veut pas dire directement avant d'éteindre les lumières. Non, nos yeux doivent se réajuster à la lumière naturelle de la pièce, de la noirceur. Bref, donc, allez-y avec... ici, il n'y a pas de durée de temps, mais je dirais, je pense que j'avais lu quelque chose comme une heure ou une demi-heure au moins. En tout cas, passez du temps dans votre lit à lire autre chose, peut-être qu'un écran de cellulaire ou de iPad, parce que c'est pas le genre de lumière qu'on devrait avoir dans les yeux avant de dormir. Ensuite, en deuxième position, c'est la noirceur totale. Donc, en grandissant, on avait toujours peur que les monstres qui vivaient en dessous de notre lit ou dans le garde-robe allaient nous attaquer. Donc, notre mère, notre père, les parents, peu importe, laissaient une petite lumière allumée, une veilleuse, évidemment. Donc, avoir une bonne petite lumière subtile, c'est une bonne façon de voir où tu vas. Mais la meilleure façon de dormir en tant que tel, c'est dans une pièce qui est complètement noire. Ou en tout cas, du moins le plus noir possible. Donc, si vous avez une veilleuse ou quelque chose comme ça pour vous diriger, ou peut-être que vous laissez des fois la lumière du corridor ouverte juste pour vous rassurer un petit peu, c'est pas de bonne chose. Il faut dormir dans le noir complet. Ensuite, baisser le thermostat. Les études nous apprennent que les gens dorment mieux quand ils ont un thermostat entre 65 et 72 degrés Fahrenheit. On avait déjà fait la conversion 72 degrés Fahrenheit to Celsius. Ça nous donne 18,30 degrés Celsius. Et si on y va avec le 72, je me rappelle avoir déjà fait ce conseil-là en tant que tel. C'était 22. Donc, entre 18 et 22 degrés Celsius environ. C'est jamais une bonne idée d'aller au lit quand on a trop froid, mais aussi on veut pas avoir trop chaud. La température du corps va descendre quand on est dans un état de sommeil profond, donc il faut permettre ça en ayant quand même la température ajustée au bon degré sans que ce soit nuisible pour nous. Ensuite, le silence complet, bon, c'est quand même assez évident. Il faut s'assurer de ne pas avoir de radio ou de télé d'allumer pendant qu'on dort dans l'état plus profond du sommeil. Il y en a qui vont s'endormir avec de la musique. Je connais quelqu'un qui s'endort avec de la musique métal. C'est son choix. Ça le rend charmant. Ça fait son charme. Mais il faut s'assurer que la musique soit éteinte une fois qu'on est endormi parce qu'en phase de sommeil profond, ça va vous donner un mauvais effet. Si tu dois avoir du bruit, pendant que tu dors, on conseille un cadran ou une machine qui fait du bruit blanc, du white noise. C'est un genre de petit fond. C'est dur à décrire, du white noise. Bref, cherchez ça, white noise, ça peut vous aider. Et ensuite, en cinquième, c'est de couper la caféine. Il n'y a rien de pire que d'essayer de s'endormir quand ton battement de cœur va à des kilomètres à l'heure, là, beaucoup trop rapidement. Donc, il faut s'assurer de descendre de son high de caféine pour pouvoir mieux dormir. Et là, on parle de caféine, mais on parle aussi de caféine dans le soda. Donc, la liqueur et des boissons énergiques. C'est énergétique, je crois. De se faire une routine, ça prend 30 jours. Ben, tu sais, on dit des fois 21 jours, mais il y en a qui disent 30 jours avant de développer une bonne habitude pour que ce soit pour le sommeil ou pour autre chose. Donc, que ce soit de lire un chapitre de votre livre préféré ou regarder un épisode de votre émission préférée, il faut s'assurer de tout le temps avoir la même routine et de dormir à la même heure. Donc, c'est ce qu'on nous conseille, dormir tout le temps à la même heure. Et le corps humain est une machine qui a besoin de se recharger tous les soirs. Donc, plus il suit un horaire régulier, mieux il peut réagir à, par exemple, peut-être une maladie ou quelque chose comme ça, un rhume. Donc, s'il y a une routine, ça va être plus facile de s'en remettre. Comme moi, mettons ma routine en ce moment, me coucher à 2h du matin et souper vers les 11h30 soir. Sûrement pas la meilleure des routines. C'est ça, une routine. C'est pas parce que vous le faites à tous les jours que c'est une bonne routine. Ah, c'est juste une routine. Limiter l'alcool, bien sûr. Donc, toujours dans le palmarès des choses qui vont vous aider à mieux dormir. Limiter l'alcool parce que ça va vous donner une impression d'être fatigué, mais l'alcool a des effets négatifs sur, sur votre sommeil. Et les études nous apprennent que ça fait que tu vas te réveiller plus et que tu vas essayer de te rendormir. Et donc, ça va faire que tu vas moins dormir parce que tu vas te réveiller, te rendormir, te réveiller, te rendormir. C'est jamais une bonne chose. Moi, évidemment, ben, je rajouterai à ça une petite application dont j'ai déjà, je crois, parlé. Peut-être pas celle-là spécifiquement, mais c'est Smart Alarm. Smart Alarm que j'aime beaucoup, qui me permet, moi, entre autres, de voir... par exemple, tiens, mettons hier, tiens, on était le 8 mai, tiens, j'ai dormi entre 00h30 et 20h59, j'ai eu 4h45 de sommeil profond et 1h42 de sommeil léger pour un total de 20h45. Ça, c'est une grosse nuit hier, je me suis levé très, très tard quand même. Le soir d'avant, je m'étais couché à 2h36, j'ai eu 3h29 de sommeil profond, 2h04 de sommeil léger pour un total de 6h41. Donc tu vois, j'ai pas une bonne routine, mais l'alarme en tant que telle est faite pour te réveiller dans ton sommeil plus léger. C'est une application, dans le fond, sur ton iPhone et autres. Tu vas le brancher dans le mur, bien sûr, et tu vas mettre ton téléphone à côté de ton oreiller, le plus loin possible, mais quand même tout en restant proche, et ça va détecter les mouvements subtils sur ton matelas. Il y a un petit test qui s'assure au début que ton matelas est quand même compatible avec. C'est sûr que c'est un matelas qui fait pas bouger du tout le ressort d'à côté. Ça pourrait être difficile. Tu peux choisir ta musique, choisir l'heure environ à laquelle tu veux te réveiller. Ça va te réveiller une demi-heure autour de ça avec comme maximum, mettons, 8h30 si tu choisis 8h30. Donc, c'est Smart Alarm. Il y a aussi Sleep Cycle que certaines personnes aiment pour d'autres raisons. Moi, j'ai préféré Smart Alarm. Ensuite... allons-y avec, le rasoir. Tiens, une des choses qu'on déteste le plus faire dans la vie, en tout cas, moi, c'est mon cas, c'est de se raser. Il y en a qui se rasent quotidiennement, il y en a qui se rasent régulièrement, moi, c'est une fois par semaine environ, mais que ce soit votre visage, votre tête, vos jambes ou n'importe quelle autre partie du corps, il n'y a rien d'amusant dans le fait de se raser. Les coupures, les brûlures de rasoir, d'avoir à se raser continuellement parce que ta barbe pousse trop vite... On pourrait continuer la liste assez longtemps sur les choses qu'on n'aime pas faire par rapport au rasage. Mais les rasages, c'est ça, c'est utile et c'est nécessaire pour certains. Donc, pourquoi ne pas essayer de l'améliorer, hein? Ici, on parle d'utiliser de l'huile pour bébé. Donc, c'est vraiment pas mal le conseil. Donc, c'est ça, si vous avez une peau très, très douce, un peu comme la peau d'un bébé, à la place d'utiliser du gel de rasage ou de la crème pour raser, utilisez de l'huile pour bébé, donc sur votre corps au complet. Même pour les femmes, hein, si vous voulez le faire sur vos jambes aussi, vous pouvez le faire aussi. Ça coûte beaucoup moins cher à la longue. Donc voilà, allez voir le reste de l'article. Je vous conseille quelques petites autres affaires moins intéressantes sur assemblagerequis.com. Ensuite, des trucs de voyage dont personne ne parle apparemment. En tout cas, moi, j'avais pas vu passer la plupart de ces affaires-là, sauf le premier, qui est de rouler vos vêtements. Bon, en rouleau à la place des pliés, ça prend beaucoup moins de place dans votre valise. Utilisez ensuite un chapeau de douche, un petit bonnet de douche pour mettre vos souliers sales, pour vous assurer que vos vêtements restent propres en voyageant. Vous n'aurez pas à vous en faire trop parce que ça prend pas plus de place. Évidemment, vous pouvez prendre un sac de plastique normal aussi. Ensuite, faites de l'exercice avant de voyager. Ça aide à éviter le décalage horaire. Peut-être pas l'éviter, mais au moins, en tout cas, peut-être le calmer. Une fois que vous êtes rendu, vous allez à l'endroit destiné. Assurez-vous de prendre bien de l'air frais pour avoir un petit peu plus d'énergie. Utilisez une feuille pour la sécheuse, des petites feuilles là, bounce style pour garder vos vêtements frais. Donc, évidemment, je pense que c'est assez clair ici pour empêcher d'avoir une odeur de bagage. Ensuite, les petits trucs pour verre de contact. Si vous allez... attends un peu, c'est ça. Vous avez juste à mettre un petit peu de shampoing ou de pâte à dents dans un truc à verre de contact avec le bouchon. C'est super hermétique. C'est fait évidemment pour transporter du liquide. Donc, juste une petite dose dans des trucs à verre de contact. Les boutons, tiens. Ah ah, ça c'est intéressant quand même. Les boutons peuvent faire plus que seulement tenir vos chemises fermées. Vous pouvez utiliser un bouton pour garder vos boucles d'oreilles ensemble. Donc, mettons, vous prenez un bouton, vous passez la boucle d'oreille à travers le trou du bouton et à travers les deux trous des boutons et vous mettez la petite attache, le petit papillon, genre, c'est ensemble. Comme ça, ça va garder vos boucles d'oreilles ensemble. Vous n'allez pas les perdre. C'est une bonne idée quand même. Et finalement, tiens, vous pouvez transporter votre vin dans votre bagage en le plaçant dans vos souliers, nous dit-on. Ça va les protéger. En plus, vous allez éviter les douanes lorsque vous voyagez à l'international. C'est ce qu'on nous dit de faire. Je suis pas sûr que je fais confiance. Ça m'a l'air assez illégal, mais bon. Donc voilà pour le palmarès ici des conseils de voyage. Comment couper un melon d'eau ensuite de façon optimale? C'est le moment de l'année où les fruits frais sont partout dans les réfrigérateurs. Évidemment, c'est très facile d'en trouver, des fruits, en tout cas plus que certaines autres saisons. Il n'y a rien de mieux, évidemment, qu'un melon d'eau pour certains. Il y en a qui aiment beaucoup ça. Moi, j'aime pas les melons d'eau du tout, mais quand même, je vous en parle. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre l'image que je vous ai laissée sur assemblagerequis.com. Je vais essayer de vous la décrire le mieux possible. Donc, on coupe le melon d'eau en deux. Évidemment, quand même. À la verticale. Bon, ça dépend de quel bord tu regardes ton melon d'eau, si c'est à la verticale ou à l'horizontale, mais bon. Pour avoir deux moitiés de la même grandeur quand même. Et ensuite, vous tranchez ça avec des tranches, je dirais peut-être une dizaine de tranches en tout. Ensuite, étape 3, c'est que vous y allez de l'autre côté, donc vous faites une grille dessus. Et en quatrième, c'est que vous pouvez juste retirer des bâtonnets de melon d'eau. C'est la façon la plus efficace de manger un melon d'eau en bâtonnets à la place de le faire en tranches. Si vous avez des systèmes d'alarme ou des trucs sur le mur que vous aimez pas, des prises de peut-être d'internet que vous utilisez pas, mettons, t'es belle et venue installer le téléphone, vous avez plus de téléphone, vous voulez cacher ces prises-là, vous trouvez ça laid, prenez un cadre et mettez-y des peintures. Quand même simple. Il y en a qui utilisent la même façon pour peut-être cacher un rack à clé, peut-être pour l'automobile ou quelque chose comme ça. Donc, juste un cadre avec une peinture, rien de plus simple que ça. Et finalement, des trucs pour le lavage. Tiens, j'ai commencé à faire mon lavage moi-même récemment et disons que j'en ai beaucoup à apprendre, donc je vais lire ça avec vous pour essayer de me renseigner sur comment bien faire son lavage en mode célibataire endurci. Donc, juste parce que le lavage est une tâche ménagère, ça veut pas dire que ça doit être une tâche ménagère comme dans quelque chose à affronter. Donc, numéro 1, d'avoir des paniers séparés pour les blancs, les noirs, les foncés et les délicats. Bon, évidemment, moi, je fais mon lavage à l'eau froide. J'ai jamais classé mon linge. Ça m'a jamais donné de problème. Mais si vous voulez absolument les séparer pour des raisons que j'ignore, j'aimerais ça aussi que vous l'expliquiez pourquoi. J'imagine avec l'eau chaude, ça doit être nécessaire. Mais bon. Donc, pendant la semaine, vous allez pouvoir classer votre linge dans les trois bacs à la place d'avoir à faire ça plus tard lorsque vous allez faire le lavage. Ça va être beaucoup plus simple pour vous à la fin. Numéro 2, ne pas utiliser d'adoucisseur textile sur les serviettes parce que ça va gâcher leur l'absorption. Absorption, qu'on dit, voilà. Donc, pas d'adoucisseur à tissu sur les serviettes. Numéro 3, c'est un petit peu de vinaigre blanc. Dans le dernier rinçage, ça va aider les articles que tu lavais à la main de garder leur... d'avoir des bulles. Des bulles, pourquoi est-ce que ça aurait des bulles? Je sais pas trop quoi. Mais bon, ça dit, c'est le mot qu'on utilise. De faire des bulles lors du dernier rinçage, ça va empêcher de faire des bulles dans le lavage. Ensuite, c'est bien ça dans le lavage? Oui, OK. Ensuite, ne lavez pas vos jeans. Vous avez qu'à les mettre dans le congélateur pendant la nuit, ça va éliminer les odeurs. OK, mais j'imagine qu'on peut pas faire ça de façon interminable à chaque fois. Mais quand même, peut-être que si vous voulez, une fois de temps en temps, ne pas avoir à laver vos jeans. Je sais pas. Numéro 5, tiens. Pour remettre des jeans en forme, des jeans qui ont été un petit peu trop étirés, vous pouvez les passer à la sécheuse sans les laver en premier. Et vous le faites à l'envers. Donc, vous mettez le pantalon à l'envers. Numéro 6, pour combattre les taches de nourriture, vous pouvez passer un petit peu de crème, de crème à raser en tapotant dessus pour éliminer les taches, nous dit-on. OK. Ensuite, si un article très coloré laisse ses couleurs sur d'autres vêtements dans le lavage, ne les mettez pas dans la sécheuse. Relavez les articles qui sont maintenant tachés. Sans l'article qui les a tachés pour apparemment les enlever. Donc, si mettons un bas rouge a taché un chandail blanc, tu vas remettre le chandail blanc au lavage sans le bas rouge. À la place de le mettre à la sécheuse, tu le remets au lavage. Et si tu as plusieurs brassées de lavage à faire, on disait commencer avec les articles les plus délicats, les plus légers. Ils ont moins de chances de rapetisser si tu commences avec une sécheuse qui est froide et non avec une sécheuse qui est rendue chaude à cause des précédents séchages. Ah ah! Ça, tu vois, j'aurais jamais pensé à ça. Donc, c'est par mentalfloss.com qu'on a trouvé ces trucs-là. Et mentalfloss.com est ma source préférée en termes de fiabilité. Donc, j'aurais tendance à leur faire confiance. Voilà pour les instructions d'assemblage. Et nous reste une dernière minute, une dernière demi-heure dans laquelle il va y avoir une suggestion spéciale de la part de nos anciens chroniqueurs. Alors, restez avec nous. Pour l'instant, par contre, on s'en va entendre Alexandre Desilets. Voici Fancy Ghetto. Assemblage requis sur Cifou. Place dans ce fancy ghetto, mais je viens pour celle dont je suis fou allié. Seul dans mon coin, à la mairie de loi, je vois en son nom elle qui ne connaît pas le mien. De toute façon, pourquoi elle s'en rappellerait de ce pauvre diable personne. fleur, le cœur un dimanche. Et non, je n'ai plus peur et me décide à lui parler. Mettre devant le bar, la garder s'y rapprocher. Que plus je m'avance, plus j'en suis éloigné. Pourquoi ses yeux, je ne puis être l'âme ça. Je suis invisible et ça fait mal au cœur. Mais c'est ma reine et je suis prêt. Plus de Sondage Wiki au retour. Ah, c'est fou. Sondage Wiki pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis, c'est la dernière demi-heure de cette émission du 5 mai 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Là, ce qui s'en vient, hein, c'est spécial. Parce qu'on a une demande spéciale. Oh oui, mais ce n'est pas des blagues. Il y a une demande spéciale de pas n'importe qui. Vous allez reconnaître sa chanson parce que quand il prend nos ondes, il y a l'air d'une radio pirate un peu comme... Hein? Mais qu'est-ce? C'est le petit segment qu'on dédie à David Ferron qui nous a envoyé une demande spéciale encore une fois cette semaine. À David Ferron qui anime l'émission Brancher le monde les dimanches après-midi à 17h en version estivale d'une heure. Chaque semaine, il a commencé la semaine passée. J'ai écouté ça puis c'était bien bon, comme toujours, évidemment. Il co-anime ou presque, ou en tout cas participe à l'émission Raconte-moi ta ville aussi avec Chantal Carignan les lundis à 18h. Il nous a suggéré une nouvelle pièce de Joe Bin à mettre sur le palmarès. Ça a l'air bon. Moi, je veux dire, je sais pas, là. Moi, on m'envoie ça une demande spéciale, je fais comme « Oui, monsieur, c'est sûr, t'as du goût, t'es David Ferron. » Donc, on s'en va entendre l'extrait de Joe Bunn qui s'appelle « A Simple Disease » sur son album « The New Religion Project ». On écoute ça tout de suite dans « Brancher le monde » à Assemblage Requis. Ça, c'est fou. Commence bien. David qui nous conseille d'utiliser de la crème à raser Aveeno en passant, si vous voulez avoir une peau douce. Je note ça, moi, Aveeno. Don't really expect everyone to understand. like a wheel. I already miss your smile. To be a good father, let me help you to do your homework. Hello, my friend, eres mi niño, my little unborn. How many times will I have to tell you to tidy your room? What did you say to you? Jobin et Simple Disease sur l'album The New Religion Project. C'est une suggestion de David Ferron à mettre sur le palmarès dans les prochaines semaines. Donc, à qui de droit écouter sa suggestion à David Ferron. Maintenant, on a Mathieu Roy en studio. Salut! Bonjour! Hey. Ça va bien, Mathieu? Très bien, oui, très bien. Toi, tu passes un bel été jusqu'à maintenant? Super bel été. Le mois de mai qui est commencé. Puis, on a eu quelques rayons de soleil, d'ailleurs. C'est vrai. C'est pas techniquement l'été, donc c'est ça. Ouais, mais on se le permet de le croire, tu sais. Exactement. Parfois, le penser est suffisant. Ah, c'est seulement, hein? Ouais. Donc, Mathieu Roy, qui est président de l'AGE, mais qui ne viendra pas nous voir en tant que président de l'AGE, il va venir à Assemblage requis. Est-ce que ça va être à chaque semaine? L'engagement que je désire prendre en onde, si vous acceptez, chers auditeurs, s'il y en a qui veulent voter, d'ailleurs, que tu sais, je suis quand même très, très démocrate dans mes propos, habituellement. Ce que je vais proposer à l'émission, ce serait des chroniques à caractère humoristique, tout simplement, mais où on va pouvoir dire qu'est-ce qu'est l'humour. Parce que pour Mathieu et moi, c'est quand même important, l'humour dans la vie. On a des grands esprits humoristiques, là, on est tight. C'est ça. Mais le jeu de mots n'est pas qu'un simple aboutissement, mais une manière de rire de quelque chose. On peut rire de plusieurs choses, mais c'est dans la manière de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'humour satirique, ouais. Humour narcissique, des choses comme ça. Puis on va pouvoir dialoguer et ensuite faire des blagues qui vont être à connotation comme ça. Donc, tu vas sortir des blagues dans chacun de ces styles-là. À chaque semaine, est-ce que tu vas choisir un style précis ou... Le but de mon approche, qu'est-ce que j'ai pensé? Puis si les auditeurs sont d'accord toujours, là, ce qu'on va y aller, ça va être vraiment la trame pour qu'est-ce qu'est le narcissisme dans l'humour. Puis peut-être donner des exemples d'humoristes qui vont utiliser ce style-là. Parce que veux, veux pas, il y a des humoristes qui nous font compétition. Oui, on n'est pas les seuls. Ouais, c'est des ça. Fois, on pense qu'on est les seuls, c'est pour ça, humour narcissique. T'sais. Imagine, narcissique, c'est centré sur nous-mêmes. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que vraiment, ça va être tous ces types d'humour-là, comment qu'on peut les travailler, comment on peut percevoir le public. T'sais, comment est-ce que, parce qu'il y a des publics que l'humour, mettons, qui est très... controversé, fonctionnera pas du tout. Il y en a qui sont très premier degré. Puis il y en a que c'est hyper important que ce soit de l'humour controversé parce que sinon c'est plate. Oui, faut que ça trash. C'est ça. Trash. Fait que, tu sais, on s'entend, tu sais, il y a les blagues sur les religions qui existent déjà depuis un bon bout de temps, depuis probablement l'apparition des religions elles-mêmes. Ouais. Parce que l'humour est probablement le plus vieux métier passe-temps du monde. Après la prostitution, sûrement. Ben, j'imagine que ça a dû venir juste après la prostitution, parce que quand un coup qui est revenu, ben, ça a ri de tout ça. Mon premier client, là, Colin, toi, je te dis, c'était pas beau à voir. Ouais, ouais. En tout cas, j'espère que je serai pas toute ma vie là-dessus, tu sais. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait qu'on va pouvoir approcher ces humours-là. Puis je vais peut-être essayer de me trouver une blague, genre thématique parfaite, okay. Qu'on va pouvoir trouver une finalité différente en fonction de l'humour qu'on va parler. Ah oui, l'adapter. Tu sais, c'est ça, tu sais, une joke de Newfie, mais que, tu sais, on va lui donner une fin narcissique, une fin trash, une fin, genre, idéologique, une fin, tu sais, j'aime renseigner encore là-dessus. Ça mais va c'est être poussé, là. Ça va être vraiment poussé. Ouais, ouais, ouais, ça va être poussé, que, ben, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la radio, c'est fou, mes chroniques de bateau. Oui, il a dépassé les chroniques de bateau. Non, mais c'est l'autre année d'avant. L'autre année d'avant, t'as bien raison, l'année passée, t'en as pas fait du tout. Non, non. OK, donc, il y a deux ans, c'était des chroniques de bateau, mais c'était ta job, donc tu étais au courant de ce dont tu parlais. La fiabilité était moins à l'honneur, je pense, mais quand même, t'étais là, on t'a apprécié quand t'es venu. Là, cette année, c'est mieux d'être plus tight, là, c'est ça? Oh, oui, moi, oh, ouais. Moi je suis là pour être tight cette année. Au niveau humoristique, tu sais, c'est le timing est super important pour la blague. Oui. Tu peux avoir une punchline vraiment drôle, vraiment parfaite, mais si t'en sors pas au bon moment, ça n'a pas le même effet. T'sais. Les gens écoutent pas, les gens manquent ta blague, t'es obligé de faire « Hey, est-ce que t'as manqué ma blague? » C'est comme, c'est pas le fun. C'est comme les gens qui vont à l'impro. T'sais. Si la personne ben, a fait des blagues en rapport avec l'ancien thème, c'est moins drôle. Marche plus, là. Mais des callbacks, c'est bon, par contre. Si, mettons, il y avait une impro avant, tu fais une blague en référence à l'ancienne blague, mais qui est juste la continuer, c'est un petit callback. On aime ça, des fois, en humour. Des fois, moi, j'aime ça. On peut aimer ça, mais c'est en même temps, c'est plus difficile parce que là, ton spectateur doit être plus attentif que nécessaire parce qu'il y a des spectateurs, surtout à l'impro, qui sont là sur le moment seulement, ouais. Qui vont rire du gag, mais qui se rappelleront pas de l'autre gag d'avant puis de la continuité de cette histoire-là. Moi, j'aime bien les blagues qui récompensent la fidélité. T'sais. J'aime les blagues qui vont faire référence à, mettons, l'épisode d'avant d'Assemblage Requis, ou la semaine passée ou hier, mais tu sais, sans trop l'entourer et la souligner, mais juste pour récompenser ceux qui l'ont entendu. Si tu l'as pas entendu, tu comprends pas la référence, elle fait juste passer dans le vent puis tu t'en fous, tu sais. Mais ah, si ben, tu la pognes, tu sais, poup! Mais j'ai ça pour la plupart de mes jeux de mots, par exemple. Ouais, hein. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Ouais, je sais pas. Toi, tes jeux de mots à toi? Mes jeux de mots à moi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes jeux de mots? Ben, sont-ils toujours saisis? Non, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus rapides que d'autres. On veut pas dire que les autres sont lents, mais des fois, c'est un petit peu plus songé. Puis il faut que je l'explique, puis là, ben, ça tombe à plat parce que je l'ai expliqué. Mais ça devient encore plus drôle des fois quand tu l'expliques. Ouais, ça peut. L'explication d'une blague peut parfois vraiment virer au chaos. Comme elle peut vraiment comme surmonter la blague. Exact. C'est comme tantôt, on a parlé d'un restaurant qui s'appelle Archie. Le restaurant s'appelle Archie, puis c'est ouais. Yamachiche. Donc j'ai dit Yamarchiche. Parce qu'il y a Marchiche, tu sais. Ah! Tu sais, c'est facile, mais c'est songé quand même un peu, tu sais. Ben, moi j'aurais fait Archichiche. Non, tu vois, ça ne serait pas marché. Parce que moi, la sable est déjà là. Faut que la fasse. Ouais. Pas juste non. C'est comme l'autre fois quand on a fait un jeu de mots sur un buffet d'ailes de poulet et que j'ai sorti, c'est un buffet All You Can L. Là, parce que je me suis surpris, c'est clairement un L you can eat. Parce que là, la syllabe est déjà all. All L you can eat. Tu vois? C'est ça, là. Faut que tu te reprennes, faut que tu saches t'excuser, dire que c'est ta faute, comme on a appris dans les instructions d'assemblage tantôt. Tu t'excuses, dis que c'est ta faute, et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? C'est les trois étapes du pardon. Ça, c'est un callback à la chronique d'avant, tu vois ça? Mais t'as aussi les jokes politically correct qui peuvent avoir l'air vraiment comme. Vulgaire ou? Ouais, vulgaire. J'ai une joke sur les musulmans, là, que. Tu sais, aussitôt que tu dis j'ai une joke, c'est musulman, genre, elle passe vraiment non, pas. Non. Non, j'habite avec une personne qui est musulmane. Okay. Puis j'y fais, puis ben là, il la trouve moins drôle parce que ça fait à peu près 40 fois qu'il l'écoute. Ouais. Il se musultane, comme on dit. Il se musultane, la blague! Mais la blague est toute simple. Sais-tu pourquoi que les musulmans n'ont pas le même rapport à l'argent que le nord-américain? Non. Parce qu'il n'y a jamais eu de petits cochons comme tirelire quand il était jeune. Ah, parce que les cochons sont sacrés et tout ça. C'est ça la blague. Eh ben, par exemple. Oui, c'est une joke culturellement intéressante puis qui est politiquement correct. Oui. Mais qui n'est pas aussi drôle que des jokes vraiment, tu sais, grasses sur, mettons, une religion. Grasse ouais. Comme le bacon, mettons. De ouais, cochon. Ben, ouais. Grasse comme le bacon ou, tu sais, le saindoux. Tu sais, le bloc de gras que tu peux avoir pour mettre dans la soupe au poids. C'est dégueulasse. je comprends pas ça, c'est dégueulasse. Mais je pense qu'on pourrait peut-être faire, pourquoi que les gens font pas, au lieu de caler une bière sur les, tu sais, qu'est-ce qu'il y a eu pendant un bon bout de temps sur Facebook, là? Oui. T'es pas game de caler une bière, pourquoi ils sont pas game de manger ça? Je sais pas. Ça serait un vrai défi. Manger ça, là, tu dois en avoir pour au moins une semaine à avoir le goût pâteux dans la bouche. Même si tu brosses les dents avec une laine d'acier. Ben, lance-le le défi, tu sais, nos auditeurs sont super willing, tu sais. Ah ouais? Moi, oui. Je vais voir demain des photos arriver sur mon oreille scolaire. Donc, Mathieu Roy, on te retrouve à partir de la semaine prochaine. Oui. Ça va être vers la fin de l'émission, je te dirais, dans le coin de peut-être passer le début de la troisième heure, mettons 17h le jeudi environ. Ouais, ça, environ. Ça va être parfait, puis ça va me permettre de ne pas arriver en retard, justement, ce qui est très bien. Génial, bon, on s'en reparle. Parce que plus que c'est tôt, plus que c'est dur. Oui. On sait que le matin, ta chronique, t'es venue une fois, je pense, c'est ça? Deux fois. Une fois? Très peu. T'as délégué ça assez rapidement à Marie-Laurence, hein? T'as le gars, je l'avais délégué à Roxane qui, elle, a démissionné aussitôt qu'elle s'est rendue compte que c'était le matin. Ah! Bon. Donc, on reprendra les chroniques de la GS cet automne si tout va bien, mais pour l'instant. Je l'ai confié à quelqu'un parce qu'habituellement, c'est à l'émission matinale. Oui, ben c'est. Puis moi, je suis pas un morning man. Oh que non. Non, c'est un afternoon man. Mais t'étais très drôle quand tu venais le matin, par contre, pas vrai? Il y a des bons moments. Moi, en tout cas, je les ai aimés ces moments. Ben, moi, je les adore. C'est pour ça que je viens d'ailleurs, puis que j'ai toujours autant de plaisir. Mais c'est pour ça que je viens pas à titre de président parce que j'ai vraiment le goût de le. Par plaisir de le faire parce que c'est pas. Parce que tu veux pas, quand tu dis je suis là par ma fonction, tu peux pas te permettre de. T'sais, tu dois quand même être éthique. Le décorum, mettons. C'est ça, tu sais. Tu dois faire un peu plus attention, tandis que Mathieu Roy, pour la plupart des mortels, ça veut rien. C'est Mathieu Roy, c'est. En effet. Tu sais, ça va juste être un gars genre semi-drôle pour eux ou drôle à voir. Ok, fait que ça peut pas être drôle. C'est drôle ou semi-drôle? Ouais, ben okay. Ça dépend des. Puis les gens vont pouvoir justement savoir c'est quoi leur humour qui les fait plus rire. Oui. Puis on va leur suggérer des humoristes qui pourront peut-être aller downloader légalement leur show. Tout pour à être fait. Sûr et certain des références qu'on leur fait. Êtes-vous type Louis C.K.? Êtes-vous type. Tu sais, ça peut être n'importe quel humoriste. Tu sais, comme moi, le style d'humoriste que j'aime bien, c'est André Sauvé. T'sais. Oui, moi aussi. Tu sais, ça, c'est ce que j'aime. Mais en même temps, mon credo de blague que moi je fais, moi, c'est ce que je donne le plus, c'est de la blague instinctive. De la blague sur le moment, que ce soit un jeu de mots, en partie sur une petite dérape à propos d'un petit échafouré, puis tu sais, des choses comme ça, c'est ce qui me convient assez bien. Toi, chez Mathieu, c'est. Les jeux de mots, probablement aussi, mais moi aussi, je suis très dans le moment. Je prépare pas mes blagues. T'sais, à chaque semaine, au Palmarès C'est Fou, en saison régulière, je fais des jeux de mots qui est numéro un, et les gens se disent, ils sont tellement bons, mes jeux de mots, que je dois les préparer à l'avance. Non, c'est sur le moment, je le vois, là, puis je le fais, tu sais. Le fais! C'est ça, on est de même. On est de même. Oui, les gens à vif. Mais je pense que c'est. Peut-être qu'il y aurait un lien entre les auditifs et les visuels sur le type d'humour. Peut-être. Est-ce que tu es auditif ou visuel? Moi, je me considère comme étant auditif, mais je suis très visuel sur certains aspects de ma vie. Mais je suis visuel à 100%. T'es visuel? Comment visuel? La radio? C'est ça, moi, je sais. Mais complètement visuel. Je comprends rien à quelque chose, mettons une description de quelque chose ou genre un chemin à prendre. Tu vas me dire, tourne à droite là. Je comprends rien, il faut que tu me fasses un dessin. Ah, oh, ouais. Ah, ouais, justement. Ben là-dessus, moi, je suis auditif. Eh ben. Ah, ouais. Bon, ben, ça veut dire que l'étude, ça peut pas. Non, t'es vraiment. Moi, qui allais au moins confier ça à 3-4 psychologues de nous faire une étude là-dessus, puis. Ah, ouais. Même non. Pas de thèse. Ça tombe à plat. Faut t'envoyer ça plus à un chef. Mais on va peut-être essayer de le faire avec ma thèse en 180 secondes l'an prochain quand on va organiser le concours. On va faire notre thèse en 180 secondes. Sur voilà pourquoi c'est ça de l'humour. T'sais. Génial. Bon, on va commencer par la semaine prochaine. Donc, Assemblage Requis, Mathieu Roy. Oui, merci. Mathieu Plante, je te laisse Assemblage Requis, qui est tout à toi. Les deux Mathieu, merci. Quelle équipe. Oh, que okay, oui. On est assez fou. Oui, à la radio. On écoute Pai Pai, voici Pagan Day, puis après ça, on va revenir pour se dire au revoir déjà. Pagan Day! Assemblage requis, c'est là-dessus que ça se termine. Les oiseaux ont recommencé à chanter derrière nous et ça va être la fin de l'assemblage requis pour cette semaine du 5 mai 2014. Je remercie évidemment Mathieu Roy. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Merci à Jean-Philippe Charbonneau qui passe nous voir tantôt aussi, qui a co-animé les deux premières heures de l'émission. On va commencer par dire la programmation complète. Donc, sur cifou.ca, on est retour la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h. Après nous, c'est Rock Révélé, l'émission de culture rock. On repasse le samedi entre midi et 15h. Après nous, c'est les Palmarès Cifou. Et finalement, le lundi, entre 14h et 17h, c'est aussi les Palmarès Cifou qui s'en viennent, suivi de Raconte-moi ta ville. Encore une fois, cifou.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Voilà, c'est tout. On va se quitter avec une pièce anglophone. Oui, de Pac AD, c'est la pièce, la position numéro 4, Airborne, sur l'album Do Not Engage. Passe une très belle fin de semaine ou semaine, Mathieu Roy. La semaine prochaine, live de live. Studio. des studios A de C'est fou. Ou 1. Studio 1. Le studio 1. Le studio 1, ouais, je trouve que c'est plus... C'est mais bien. Non, faudrait que tu mettes deux chiffres juste pour... Le studio 22? Studio... qu'est-ce qui est beau comme chiffre? Attends, parce que j'aime mieux Studio 1 de 1, tu sais. Ben, Studio 54, là, il y avait un... OK. Ouais. B-52s. Studio ouais. 60, Studio 1. Ouais. On travaille là-dessus, on s'en vient. Ouais, OK. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, ben, présentement, on est dans l'un des nombreux studios de ces fous. C'est ça. Ils sont tous pareils. Ils sont vraiment étrangement pareils, t'sais. Vraiment, c'est la gueule. Hey, ben! And there's no human to turn to.